Chers auditeurs, bienvenue dans votre cyber-revue de presse, l'autre monde, une dose de lucidité hebdomadaire pour stimuler la réflexion et inviter à l'action. Je nomme François Marginat et je serai avec vous pour les deux prochaines heures sur les ondes de Choc FM, l'alternative à Montréal et dans le monde. Alors, en ce 14 mars, nous allons parler du très important dossier sur le désastre au Japon, le séisme de 9.0. Et ensuite, nous allons parler, bon, évidemment, de tout ce qui s'ensuit, c'est-à-dire le tsunami. Et puis maintenant, nous sommes très proches d'une... nous sommes très proches. Nous allons voir les détails, là. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'informations à révéler là-dessus, d'informations conflictuelles. Et puis, évidemment, dès qu'on parle du dossier nucléaire, on a bien la misère à savoir l'heure juste. Alors, on pourrait être proche d'une catastrophe nucléaire sans précédent, bien qu'on nous assure du contraire. Alors, ça va être à suivre, tout un dossier à aller consulter aussi sur les nouvelles internationales, sur aussi Sans Papier, où j'ai publié un article important dont on va parler en début d'émission qui se nomme Séisme de 9.0 Japon, danger de désastre radioactif dans les centrales nucléaires. Et ensuite, on va parler d'économie. Et ça devrait être à peu près tout pour l'émission, quoi. Donc, ça devrait déjà en couvrir pas mal. On a beaucoup aussi de nouvelles dans l'actualité. Donc, on va surveiller ça de près. Donc, voilà, la table est mise. Donc, nous, on va se diriger directement de plein pied dans ce dossier qui, évidemment, a retenu l'attention de la planète en entier. Ce séisme violent qui a frappé le Japon, et puis vous savez, ça c'était vendredi qui vient de passer, et puis on a ajusté finalement la magnitude de ce tremblement de terre qui maintenant se chiffre à 9.0 sur l'échelle de Richter. Donc vous savez, on se trouve avec le cinquième plus important séisme du siècle dernier. Alors vous voyez que les choses tremble un peu partout sur la planète. On en a parlé ici à quelques reprises sur l'émission, et puis ça se poursuit. Les tremblements de terre se poursuivent les uns après les autres, quasiment tous les mois. Et celui qui vient de frapper le Japon, malheureusement, était d'une violence assez extraordinaire. Et puis, malheureusement, il s'en est suivi un tsunami qui, lui, réellement est venu achever vraiment toutes les côtes qui étaient exposées à ce tsunami, donc au Japon. Et la vague, évidemment, s'est propagée partout dans l'océan Pacifique et a traversé l'océan Pacifique pour se rendre jusqu'à la côte de la Californie. Donc, on a eu tous L'horreur et puis le grand déplaisir de voir ces images à la télévision qui continuent d'ailleurs l'une derrière les autres sur le petit écran à nous estomaquer et puis à nous faire vraiment là nous laisser béat quoi sans mots réellement c'est de quoi d'assez grave, c'est une catastrophe assez importante. Et puis, vous savez, votre humble serviteur vous parle ici de l'Asie. Je suis présentement à Taïwan. Donc, réellement, là, on est à côté. On est les voisins du Japon. Et puis, évidemment, qu'ici, ça roule quasiment 24 heures sur 24 dans les nouvelles. On a beaucoup d'images qui nous proviennent du Japon et puis du désastre que ça a causé. On a officiellement levé la barre autour de 2000 victimes jusqu'à date. Évidemment que le chiffre va augmenter énormément au fur et à mesure qu'on va déterrer les corps des personnes décédées, soit dans le tremblement de terre ou dans le tsunami qui s'en est suivi. Donc, on parle ici du pire séisme de l'histoire moderne du Japon qui a frappé de plein fouet vendredi à 14h46, l'heure locale. Le nord-est du pays a été le plus durement touché à la suite du séisme d'une magnitude de 9,0. L'épicentre se trouvait à 125 km du littoral de l'île la plus populeuse du Japon, qu'on appelle le Honshu, et à environ 380 km de Tokyo. Donc, il s'en est suivi ensuite d'un tsunami qui a balayé les côtes du Japon en inondant et en emportant tout sur son passage. Vous avez dans cet article disponible sur les nouvelles internationales et sans papier. Des images à voir, j'ai deux liens, il y a un site de 30 images, il y en a un autre, c'est une revue de Associated Press où on a 102 images. J'ai laissé aussi plusieurs vidéos pour vraiment se rendre compte de la situation sur le terrain. On peut voir aussi que sur une image qu'il y a dans l'article, où on voit vraiment une carte, si vous voulez, géologique là, des tremblements de terre qui ont continué de frapper le Japon après le grand coup de vendredi passé. En fait, jusqu'à aujourd'hui, on a eu plus de 302 répliques, okay? Donc des coups de tremblement de terre qui sont subséquents au premier. Et chers auditeurs, la situation est vraiment alarmante parce que vous savez, depuis vendredi, comme je vous dis, on a eu 300 tremblements de terre qui ont suivi le plus grand. Et puis, ben, vous savez, il y en a un qui était de l'ordre de plus de 6,0. Ensuite, vous en avez, si je vais de mémoire, là, c'est des chiffres que j'ai vus sur CNN. Alors, vous avez ensuite des tremblements de terre d'amplitude d'environ de 5. Et puis, de ce niveau-là, on en a eu quelques-uns. Je crois que c'est 3. Et puis ensuite, des tremblements de terre entre 4 et 5 sur l'échelle de Richter, ben là, on en a eu 28. Et puis après ça, en descendant l'échelle, on en a 98, puis un autre 120, là, donc des tremblements de terre, donc en partant de 3 à 6,9 qui se produisent sans arrêt. Donc, si on calcule 300 depuis vendredi dernier, ça veut dire que ça brasse, ça bouge quasiment tous les minutes, là, c'est pas moins compliqué, là, je veux dire, c'est continuellement en mouvement, c'est un vaste tremblement de terre. L'île principale du Japon, en fait, s'est déplacée carrément de 2,4 mètres, et puis on dit aussi selon d'autres données que l'axe, en fait, la terre aurait bougé sur son axe d'environ 10 cm. Alors, imaginez, c'est quand même assez particulier, là. Donc, vous voyez que c'est un tremblement de terre d'une violence très violente. Les données dont je vous parle, les 10 cm et puis les 2,4 mètres, nous viennent de Kenneth Ednott, qui a déclaré ça, un géophysicien qui travaille pour la US Geological Survey, la USGS, qui a déclaré ceci à ce propos, qui lui, à ce moment-ci, il déclarait que les GPS de la station avaient bougé de 2,4 mètres et qu'ils avaient vu une carte provenant du GSI, donc le Geospatial Information Authority au Japon, montrant que le pattern du déplacement sur une importante étendue est en corrélation avec environ le même déplacement de la masse terrestre. Alors, c'est aussi ça pour source de CNN. Donc, on a des millions de personnes, en fait, on parle ici de 1,4 million de foyers qui sont sans électricité, possiblement plus que ça, et des milliers de personnes qui ont du mal à trouver un endroit où se réfugier et aussi à rejoindre leur famille. Selon les dernières estimations officielles, il y aurait au tout au plus, là, jusqu'à date officielle de 1400 à 2000 personnes. Évidemment, les chiffres vont augmenter au fur et à mesure, comme je vous disais, qu'on va découvrir de plus en plus de corps ensevelis. Et évidemment, des milliers de personnes qui sont portées disparues. Donc, ça aussi, c'est une autre facette de ça. Donc, ces personnes disparues-là, soit qu'on va les retrouver au fur et à mesure qu'elles vont se repointer ou on va retrouver le corps de ces personnes. Donc, ça, c'est un peu la situation. Maintenant, ce qui arrive, ce qui se rajoute à ça, c'est que là, on a un potentiel de désastre nucléaire parce que ben on a des centrales nucléaires qui ont été violemment secouées par ce séisme et l'électricité a été coupée. Alors, le Japon a déclaré l'état d'urgence pour 5 réacteurs nucléaires situés dans 2 centrales nucléaires distinctes après que le tremblement de terre ait coupé l'électricité en alimentant les systèmes de refroidissement. Et puis là, on a des milliers de résidents qui ont été évacués. On parle de 170 000 résidents jusqu'à date dans un rayon de 20 km, alors que des employés des centrales nucléaires et des autorités ont essayé de contrôler les réacteurs nucléaires afin d'éviter une fusion du cœur des réacteurs nucléaires. Donc là, vous avez une petite définition aussi de Wikipédia de ce qu'est la fusion du cœur d'un réacteur nucléaire. Alors, je vous laisse aller lire ça par vous-même. Par contre, rapidement, on peut quand même comprendre que la fusion d'un cœur nucléaire est extrêmement grave parce qu'à ce moment-là, on risque un relâchement dans l'atmosphère de sous-produits de fusion d'un cœur nucléaire comme l'iodine, l'iode en fait. Et puis, bon, différents autres composants qui sont radioactifs. Alors, ça peut polluer l'environnement avec une émission de nombreux radioisotopes hautement radioactifs. Donc, on risque d'un accident important ici des réacteurs. Et, ben, écoutez, vous savez, là, il demeure encore présentement impossible de maintenir les systèmes de refroidissement des réacteurs nucléaires en fonction. Donc, il y a un très réel risque de les voir fondre et peut-être même exploser. Alors, on nous assure qu'ici, il n'y aurait peut-être pas tant un risque d'explosion que ça, parce que c'est pas comme l'histoire de Tchernobyl où on avait du graphite qui lui était hautement réactif. Alors, probablement que, selon ce que les autorités déclarent en ce moment, qu'il n'y aurait pas de possibilité d'explosion. Mais par contre, évidemment, qu'on peut avoir des fuites importantes dans l'atmosphère et se retrouver avec une contamination radioactive importante. Alors, ça aussi, ça fait référence, vous allez voir sur aujourd'hui même, sur le sans-papier, j'ai remis aussi à date les 2 entrevues qu'on a eues avec Julie Lemieux qui nous a parlé justement de ce dossier nucléaire et puis des risques que ça comporte. Et puis là encore, bien, on a la preuve que justement, ces centrales-là, réellement, quel danger pour l'humanité, quel danger pour les populations, quel danger pour l'environnement, réellement là. Je suis pas certain que ce soit vraiment une solution viable. Et puis là, ça arrive au Japon, mais ça peut arriver n'importe où. Donc là, on a eu, il y a plusieurs heures, environ 24 heures, une puissante explosion dans l'une des centrales où les combustibles nucléaires radioactifs sont gardés. Le niveau des liquides des refroidisseurs a baissé dans le réacteur de la centrale nucléaire numéro 1 de Fukushima, opéré par la Tokyo Electric Power Corporation dans la préfecture de Fukushima, exposant ainsi le cœur du réacteur nucléaire à de la surchauffe et les crayons de combustible nucléaire sont maintenant endommagés. Nous en avons du césium. Un sous-produit d'un réacteur au contrôle qui a été détecté autour de la centrale. La salle de contrôle, d'ailleurs, du réacteur à la centrale du Fukushima numéro 1 a enregistré dans la matinée un niveau de radioactivité 1 000 fois supérieur à la normale. Les fonctions de refroidissement étaient en outre inopérationnelles dans les 3 réacteurs d'un second site voisin, Fukushima numéro 2, et aussi on a mis en alerte le Fukushima numéro 3. Alors, des milliers de personnes ont été évacuées, comme je vous disais, 170 000 personnes dans un rayon de 20 km. Ça a été rapporté d'ailleurs aussi sur la cyberpresse. Mais selon les dernières nouvelles, OK, ça c'est déjà dit, TEPCO qui a perdu le contrôle de la pression, ça c'est la compagnie qui gère ces centrales nucléaires au Japon. Alors, elle a perdu le contrôle de la pression dans le cœur d'un des réacteurs, en fait, dans 3 réacteurs aujourd'hui. Et puis, cette pression augmente de façon dangereuse. Elle atteint au moment d'écrire, au moment de dire ces lignes, plus de 3 fois la pression normale. Le directeur du cabinet d'Anno confirme qu'il y aurait eu une fuite de radiation à la centrale de Fukushima. Donc, on espère ici que la communauté internationale et puis les autorités japonaises vont tout faire en leur pouvoir pour prévenir un désastre à ces 2 centrales nucléaires et les autorités japonaises coopèrent pleinement pour résoudre la situation actuellement. Le Japon et les régions avoisinantes sont potentiellement sur le point de vivre une catastrophe sans précédent. Cette situation n'est pas prise en charge convenablement. Alors, tout cela commence à prendre des allures de nouveau Tchernobyl 25 ans plus tard, mais potentiellement bien pire. Donc ça va rester à suivre, là. Il ne faut pas faire trop non plus, là, si vous voulez, là, de terrorisation, là. Faut pas s'exciter trop rapidement, là, avec ça. Ça reste à voir comment ces choses-là vont être gérées. Sauf que là, vous avez les autorités japonaises qui ont perdu tout espoir de pouvoir prendre contrôle, récupérer, puis réparer le réacteur numéro 1. Donc, on a utilisé de l'eau salée de l'océan. Et quand on utilise de l'eau salée pour refroidir un de ces réacteurs, eh ben, ce que ça fait, c'est que ça crée une oxydation importante. Et puis à ce moment-là, ça a pour effet de tout simplement scraper, là, vraiment endommager de façon irréparable le réacteur nucléaire. Ce qui veut dire que les autorités japonaises ont vraiment abandonné tout espoir là que ils puissent le récupérer. Donc là, on est vraiment essayé de tout simplement refroidir, garder froid ces cœurs de réacteurs nucléaires pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de fusion. Alors, de fusion du cœur nucléaire qui entraîne finalement évidemment des fuites très importantes là, de sous-produits dans l'atmosphère hautement radioactive. Alors, aux dernières nouvelles, là, vous avez la centrale d'Onagawa qui est en feu et semble qu'il n'était plus possible d'empêcher la fusion du réacteur, bien que les informations soient manifestement filtrées afin de ne pas affoler les populations. C'est toujours le même syndrome, celui de Tchernobyl, qui consiste à dissimuler le danger afin de ne pas créer la panique. Et puis c'est aussi le facteur avec lequel on doit gérer la situation actuellement. C'est-à-dire que les informations sortent, mais évidemment que pas certain vraiment qu'on a tous les éléments de la vérité. Donc, il faut essayer de lire entre les lignes et puis essayer de comprendre vraiment ce qui se passe là-bas. Vous avez plusieurs vidéos, allez voir ça. Et puis, comme la situation n'était pas assez dramatique, on a d'ailleurs un volcan, Sakurajima, qui vient de faire éruption au Japon. C'est le quatrième volcan à faire éruption ces derniers jours. Vous en avez deux en Russie puis un autre en Indonésie qui ont fait éruption. Donc, voyez là vraiment qu'il y a des changements qui se passent, là, il y a des mouvements importants qui se passent dans la croûte terrestre. Ensuite, vous avez le réacteur nucléaire qui fait défaut, le Fukushima numéro 1, comme je disais, est construit par la General Electric et de type GE Mark I Boiling Water Reactor. Le diagramme schématique est disponible dans l'article, vous pouvez voir ça. Et on parle ici, dans d'autres extraits, que les risques d'une catastrophe nucléaire augmentent rapidement au Japon. L'expert nucléaire Kevin Kemp du Institute for Public Accuracy a déclaré ceci à propos des risques d'après tremblement de terre au Japon. Le réseau d'électricité ne fonctionne pas. Les générateurs diesel ont été endommagés. Et il déclare que les multiréacteurs de la centrale électrique de Fukushima reposent désormais sur des batteries d'urgence qui n'ont une autonomie que de 8 heures. Le danger est que les cœurs des réacteurs nucléaires thermiquement très chauds doivent être continuellement refroidis pendant plusieurs heures. Sans électricité, les pompes ne seront pas capables de pomper de l'eau à travers les cœurs des réacteurs pour le refroidir. Là, on le fait, je dis ici, petite parenthèse, avec de l'eau salée, comme je vous disais un peu plus tôt. Un coup que l'électricité est coupée, les combustibles nucléaires irradiés commencent à fusionner. Puis, si les systèmes de confinement échouent, un relâchement de radioactivité catastrophique dans l'environnement se produit. Selon la Nuclear Industrial Safety Agency, l'explosion survenue à la centrale de Fukushima numéro 1 ne peut être qu'avoir été causée par la fusion du cœur de son réacteur. On dit que des sous-produits d'une fusion d'un cœur de réacteur nucléaire, c'est-à-dire du césium et de l'iode, ont été détectés autour de la centrale. On peut donc assumer que le confinement protecteur du réacteur a probablement été endommagé. Le Japon a donc appuyé sur le bouton de panique et a décidé d'utiliser de l'eau salée, comme je disais, de l'océan pour essayer de refroidir le réacteur. Il s'agit du pire accident nucléaire de l'histoire de cette nation, mais ce que ça signifie, c'est qu'ils ont abandonné tout espoir de récupérer, de réparer le réacteur parce que l'eau salée va détruire le réacteur. Donc, on en est rendu là. Et puis, si ça fonctionne pas, la dernière option, la seule chose qui restera à faire sera de sceller avec du béton, ce qui revient à coffrer ce réacteur comme dans une tombe. Le Japon a annoncé son intention de distribuer de la médecine anti-radioactivité, donc du potassium iodique. Et puis là, vous avez d'autres vidéos de l'explosion de cette centrale. Donc, vous voyez que la situation est quand même assez sérieuse. Et puis, selon les dernières données qu'on a, eh bien, là, attendez un peu, vous avez Le Japon qui a déclaré l'état d'urgence dans son autre centrale électrique. Alors, on se prépare peut-être justement à une fusion nucléaire de son cœur nucléaire. Et puis là, on dit ici que vous avez fait le chiffre augmenter, je disais 1,4, un peu plus tôt dans l'article ici. Je vois que on parle de 6 millions de maisonnées qui sont sans électricité. Alors, on parle de 10% de la population japonaise. Et on dit que vous avez justement des secousses d'après séisme qui continuent de faire trembler le pays environ à tous les 2 heures. On parle de, comme je disais, de séisme important. Ensuite, bon, vous avez des vidéos à aller voir. Là, après, évidemment, qu'on se demande où ce nuage, ces fuites de radioactivité vont se diriger. Il semble que selon les vents dominants et puis le jet stream, que cela va être apporté vers la côte américaine. Alors, ça risque d'atteindre les États-Unis dans quelques jours. Et s'il fallait qu'on assiste à une catastrophe encore pire que ce que ça l'est en ce moment, eh bien, que selon justement les vents dominants, ce serait les États-Unis qui se prendraient ça en pleine gueule. Ensuite, vous avez ici un scientifique russe qui lui a déclaré que le désastre qui se passe au Japon n'a aucune chance de ressembler à celui de Tchernobyl parce que justement, il n'y avait pas de graphite, donc il y a rien à brûler. Et puis, donc ça peut être un élément qui peut nous rassurer dans un certain sens. Une autre nouvelle ici qui dit qu'on a confirmé deux fusions de cœurs de réacteurs. Alors, on dit que les officiers japonais ont déclaré que vous avez deux réacteurs qui sont entrés en fusion. Alors, ça, c'est vraiment pas une situation là, qui semble être sous contrôle, alors que, comme je vous disais, les autorités disent qu'il n'y a aucun danger, que tout est sous contrôle, qu'on a réussi à faire acheminer de l'eau salée dans les réacteurs et puis essayer de les refroidir. Alors, voilà un peu là, la situation dans laquelle on est plongé, c'est-à-dire qu'on a des informations contradictoires qui sortent. Et c'est tout à fait typique justement de ce dossier-là. Alors, on vous rassure tout le temps, c'est un peu comme l'histoire de Gentilly 2 qu'on veut rénover. Et puis, toutes ces histoires-là, vous savez, en Ontario, on en a, aux États-Unis, on en a, en Europe, il y a plein de centrales électriques qui sont de type nucléaire. Et puis, on vous rassure tout le temps, il n'y a pas de problème, c'est sous contrôle, on a des mécanismes de sécurité. Puis, tu sais, dormez tranquille sur vos deux oreilles. Et puis, quand un désastre arrive, ben là, on est tout surpris, hein? Donc, oh, on va regarder ça, regardez, ben, ah, ben, mon Dieu, on s'attendait jamais à ce que ça arrive. Évidemment, on s'attend jamais à ce que ça arrive, cette histoire-là, tu sais. C'est vraiment particulier, tellement stupide, des fois, et puis vaniteux, puis sans dessein, l'homme humain, tu sais, l'être humain. Ils sont allés construire la plus grande centrale nucléaire au Japon, tu sais, je veux dire, c'est tellement brillant, c'est vraiment fantastique. Alors, on se retrouve évidemment avec un dossier comme ça, et puis là, quand on a des accidents, ben là, les informations sont vraiment très difficiles à obtenir des autorités. On veut pas affoler la population, donc on dit qu'à ce moment-là, il faut y aller au compte-gouttes, donc on révèle pas l'information complète, puis bien souvent, on informe la population quand il est trop tard. Ici, un journal allemand qui a révélé que justement le réacteur numéro 1 à Fukushima était, lui, supposé être justement fermé le mois prochain parce qu'il était déjà très vieux, alors il datait d'environ une quarantaine d'années. Ensuite, on parle ici de l'histoire qui se répète, des peurs à Fukushima qui pourraient se tourner en Tchernobyl. En Tchernobyl, ça, c'est une vidéo à aller voir. Ici, vous avez d'autres articles qui parlent justement du Japon qui va distribuer du potassium d'iodine pour les gens, pour les protéger, hein, donc les protéger contre justement des retombées radioactives. Ensuite, vous avez plusieurs autres articles à aller voir justement sur ce que le Japon essaie de faire pour essayer de reprendre contrôle de la situation. Plusieurs vidéos aussi à aller voir. Vous avez ici un autre article assez important qui vient du Nikkei. Donc, ça, c'est un journal japonais où on apprend que vous avez le Nuclear Industrial Safety Agency qui a déclaré samedi en après-midi que l'explosion du réacteur numéro 1 ne pouvait qu'avoir été causée, comme je vous disais, par une fusion de son cœur nucléaire. Alors, je vous disais ça un peu plus tôt. Alors, la nouvelle est ici aussi, donc vous pouvez la consulter. Bon, ben écoutez, on dit que les radiations sont sous contrôle, même à la baisse depuis quelques heures, alors que ici dans un autre article, ben selon des officiels du gouvernement japonais, on a déclaré que bon, on avait des taux qui augmentaient de radiation, des taux de radiation qui allaient en augmentant. Alors, comme je vous dis, on a beaucoup de nouvelles contradictoires comme ça, ce qui nous porte à croire qu'évidemment, on ne veut pas nous rapporter exactement les faits et l'absolue vérité dans ce désastre nucléaire. Donc, là, vous avez un autre article ici qui montre des estimations justement des retombées radioactives s'il n'y en avait. Alors, évidemment que les États-Unis se sentent concernés par ça. Et un autre article ici qui n'a pas été beaucoup publicisé dans les autres médias, dans la communauté internationale. On se demande pourquoi. Vous avez des Allemands qui se sont mis ensemble, se sont réunis. Environ 60 000 personnes qui ont formé une chaîne humaine de 45 km de long entre différentes centrales nucléaires dans la cité de Stuttgart, dans le sud-ouest, dans l'Allemagne. Alors, ça, c'est quand même une initiative très intéressante. Alors, justement, une initiative très intéressante. Et ça montre justement que quand on a de la, si vous voulez, une manifestation de la part de la population contre ces centrales nucléaires-là, on essaie de moins d'en parler possible. C'est vraiment tabou. C'est vraiment un sujet particulier, le nucléaire, franchement, là. Donc, allez voir ça, c'était rapporté par la BBC. Et puis, ben, écoutez, je vais terminer ce dossier-là sur un article qui porte un peu à réfléchir, sans vouloir parler de conspiration, de quoi que ce soit, mais il y a peut-être bien des questions à se poser. Certaines personnes vont parler que ce tremblement de terre-là aurait pu être causé par la soudaine activité accrue du soleil. Alors, on a eu sur le soleil là finalement des explosions en fait électromagnétiques et puis on se demande si ça n'aurait pas pu avoir un effet sur justement la Terre. On a aussi certaines personnes qui ont parlé de ce qu'on appelle la super lune. Alors vous savez la lune va être à son plus proche point de la Terre en 18 ans je crois. Certaines personnes disent que bon l'influence de la lune sur la Terre pourrait être justement accrue et puis causer ces tremblements de terre-là. La NASA a dénié le fait que la Lune pourrait avoir un effet accru ou même significatif pour causer de tels tremblements de terre. Et il y a deux autres trucs, vous savez, il y a HARP, HARP. Faites une petite recherche là-dessus. Certaines personnes prétendent que ça aurait pu être la cause de ça. Et puis d'ailleurs, des événements qui sont quand même très louches là-dedans, c'est-à-dire qu'on a eu effectivement des effets de HARP 2 une semaine, en fait, dans la semaine précédente. Ce tremblement de terre énorme, et puis d'ailleurs, c'est arrivé aussi avant l'énorme tremblement de terre en Nouvelle-Zélande il y a quelques semaines. Alors, il y a certaines corrélations étranges qui se passent avec ces trucs-là. HARP, si vous ne savez pas c'est quoi, vraiment faites une recherche, je n'ai pas vraiment le temps d'en parler, là, mais c'est un système où on est capable d'ioniser, hein, de chauffer la couche supérieure de l'atmosphère, alors la ionosphère, et puis on la chauffe comme, si vous voulez, un four à micro-ondes, et puis à ce moment-là, on est capable de créer réellement des changements de température, on est capable de créer des tempêtes ou quoi que ce soit, ou même des tremblements de terre. Alors ça, je crois que c'est très bien établi déjà. Et puis, maintenant, il reste à savoir si ça aurait été utilisé, et puis ça aurait été responsable, ou en fait, ça aurait causé des instabilités, justement, dans la côte terrestre, proche du Japon. Je ne suis pas certain que ce soit ça. Par contre, il y a une autre affaire. Vous avez le CERN, le CERN, cette fameuse recherche sur la particule mère, en fait, on l'appelle la God Particle, donc la particule de Dieu, si vous voulez, qui aurait engendré l'univers. Alors, on fait des expériences là, à cheval sous la France et la Suisse, vous savez, cet immense anneau de plusieurs kilomètres de long qui est enfoui sous terre, où on fait entrer en collision des infimes particules à des vitesses phénoménales. Et aussi, étrangement, toutes les fois qu'on l'a mis en fonction, il y a eu des tremblements de terre massifs, en tout cas très souvent. Le dernier au Chili, c'est ce qui s'était passé la semaine précédente, l'énorme tremblement de terre qu'on avait eu au Chili, qui avait frappé le Chili avec une puissance de 8,8 sur l'échelle de Richter, qui était le sixième plus gros tremblement de terre de l'histoire, avait été finalement. Ce tremblement de terre-là s'était produit une semaine ou dans la semaine, en fait, dans la même semaine où on avait remis le LHC. Alors, ça, c'est le fameux collisionneur hein, de fines particules. Et puis, boum, on a l'impression que dans l'article que je vous propose ici, que cette machine-là cause des vagues gravito-magnétiques et puis que on sait que c'est deuxième plus important champ magnétique sur la Terre après son centre lui-même et que des tremblements de terre seraient causés par ces changements dans le champ magnétique de la planète. Donc, on dit que peu importe où apparaît une source nouvelle de magnétisme, eh bien, ce qui arrive, c'est que vous avez le champ magnétique de la planète qui se réarrange lui-même. Et toutes les fois qu'on a mis cette machine en fonction, eh bien, à l'intérieur d'une semaine, la planète Terre, apparemment se réorganise, réorganise ses plaques tectoniques, et puis on a de ces massifs tremblements de terre qui se produisent. On dit qu'après que le stress est disparu, le stress c'est-à-dire entre les plaques tectoniques, eh bien, et que le champ magnétique a été réarrangé, eh bien, il ne se passe plus rien. Ça, c'est assez particulier, donc ce serait peut-être de quoi explorer, parce que si c'est nous autres, avec nos expériences scientifiques qui causent ces massifs tremblements de terre-là, il y aurait peut-être question à poser, et puis il faudrait peut-être à un moment donné, vraiment, là, se poser des questions, savoir si on devrait peut-être pas arrêter de faire ces expériences-là. D'ailleurs, on avait demandé à ce qu'il soit créé un genre de panel, si vous voulez, un genre d'audience publique pour déterminer s'il y avait des risques ou pas avec le CERN, et puis on les a complètement ignorés, puis on a mis cette machine-là en fonction sans vraiment consulter la population. C'est souvent ça qui arrive, et puis là, il y a peut-être des questions à se poser par rapport à ça, et vous devez aussi avoir en tête qu'en 2014, avec la machine, on va la pousser à sa pleine capacité. Et ben là, on va passer en fait la barre où on peut créer des mini trous noirs qui ne s'évaporeront pas. C'est peut-être pas réellement la cause, peut-être pas ce qui est important, peut-être que oui, mais jette ça dans la mare et puis à vous de considérer. Mais en fait, voilà quoi. Donc nous, on a fait pendant ce temps-là le tour du dossier et ça va être à suivre. C'est vraiment, vraiment, vraiment horrible ce qui s'est passé au Japon. Réellement, tout notre cœur et puis nos pensées là, vont au Japon et aux Japonais qui sont pris avec cette tragédie incroyable. Donc voilà, sur ça, on va faire une petite pause musicale et puis après ça, on va revenir avec les nouvelles de la TAC. C'est quoi la TAC? Ben, c'est les forces de sécurité dans les aéroports américains. On en a régulièrement parlé ici dans les mois précédents parce que c'est rendu une folie aux États-Unis. C'est quasiment les mêmes mesures de sécurité pour entrer dans un camp de concentration, là, je veux dire, avec les scanners corporels qui finalement vous donnent le cancer et puis les fouilles corporelles manuelles où on fouille vraiment tout, même vos enfants, on déshabille vos enfants en plein milieu d'aéroport et on est en train d'apporter ces nouvelles mesures-là complètement débiles, d'états policiers tyranniques un peu partout aux États-Unis. Donc, ça, maintenant, on en trouve dans des stations de train, alors dans des gares et puis même dans des arrêts d'autobus. On est en train de parler, d'amener ça même dans les événements publics importants comme au football et puis même les centres d'achat. Donc, c'est tout un dossier important. Alors, on va toucher à ça et puis après ça, on va avoir un petit peu d'économie. Donc, voilà pour ce qui va suivre après la pause musicale. voilà, chers auditeurs, vous êtes de retour à l'autre monde. Venez d'écouter Red Bridge. Donc, TSC, bon, c'est quoi qui se passe avec ça? Écoutez, des nouvelles importantes, un gros dossier. Je vous parlerai pas de toutes les nouvelles, mais je vais quand même les mettre en ligne cette semaine. Donc, à vous d'aller les découvrir. Mais je vais quand même parler des plus importantes qui sont sorties ces derniers jours. Et puis, vous allez voir que réellement, là, on ne s'inquiète pas ici pour rien quand on parle de quoi à l'autre monde. Là, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui cloche bien souvent qu'on en parle. En tout cas, j'essaie de vous rapporter vraiment le meilleur de l'information et de ne pas faire du sensationnalisme ou ben non, d'essayer d'épeurer du monde avec des fausses affaires. Alors, la TSC, c'est vraiment un dossier important. C'est vraiment une tyrannie incroyable. C'est des mesures de sécurité complètement inutiles et puis qui sont réellement non seulement contre, à l'encontre des droits et libertés des gens qui entrent et sortent des États-Unis et des Américains même, mais qui aussi portent préjudice à notre santé même. Pourquoi je dis ça? Ben là, vous avez une nouvelle cette semaine qui est sortie, publiée par le USA Today, où on parle que la TSC va devoir retester ses scanners corporels qu'on a installés dans les aéroports pour la radiation. Et ce qui se trouve, c'est que la Transportation Security Administration a annoncé vendredi dernier qu'ils vont devoir retester tous ces scanners à rayons X qui émettent des radiations ionisantes. Alors, on parle ici de 247 machines installées dans 38 aéroports différents. Et maintenant, ce qui arrive, c'est qu'on a, vous savez, ces relevés de maintenance. Alors, évidemment qu'on entretient ces machines-là. Et sur certaines de ces machines-là, on a découvert des niveaux de radiation 10 fois plus élevés que ceux qu'on s'attendait. Alors, la TSC a déclaré que, justement, ces rapports-là reflètent des erreurs mathématiques et que toutes ces machines sont sécuritaires. Alors, évidemment que la TSC, elle refuse de reconnaître qu'elle fait erreur dans ce dossier incroyable. Puis là, ben vous savez, là, on dit qu'on a fait des erreurs. Ah, c'est tellement dommage. Hein? Donc, on a zappé des personnes avec 10 fois plus de radiation ionisante que ce qu'on pensait. Hein? Donc, on vous dit que c'est tout le temps sécuritaire. Ne vous en faites pas. Hein? Pourquoi vous chialez contre les autorités? Puis tout est maudit que vous êtes chialeux. C'est fatigant de vous entendre parler tout le temps de ces affaires-là. Je veux dire, voyons donc, c'est pour votre sécurité. Levez les bras, faites-vous zapper par ces machines-là. C'est pour votre bien, votre sécurité qu'on fait ça. Hein? Fermez votre gueule, pas grave, même si on vous zappe avec 10 fois plus de radiation de rayon X, tu sais, que ce qui était planifié. Hein? Donc, il n'y a aucun problème avec ça. Je veux dire, tout va bien, c'est pour votre sécurité. Ces machines-là sont sécuritaires, il n'y a aucun problème. Hein? Donc, ces gens-là, ils savent tout le temps mieux que vous autres. Hein, il n'y a pas de problème, mais il ne faut pas oublier que qui a des intérêts financiers dans les compagnies qui manufacturent ces scanners-là, eh bien, c'est M. Chertoff avec son groupe Chertoff. Hein, donc, ces gens-là ont commencé à vous épeurer avec la menace terroriste depuis le 11 septembre 2001, et puis tout de suite, ce gars-là qui était à la tête du Homeland Security, donc un poste très important, d'un côté, vous vendait ces machines-là comme étant la meilleure solution pour assurer la sécurité des voyageurs dans les aéroports américains. Et puis, ce gars-là avait été en grave conflit d'intérêts parce que, justement, avait des parts dans cette compagnie, dans sa compagnie, en fait, et puis qui a des parts dans les compagnies qui manufacturent ces scanners corporels. N'est-ce pas incroyable? Alors, eux autres, ils s'en foutent vraiment de votre santé réellement. Là, je veux dire, écoutez, l'important, c'est eux autres qui fassent de l'argent. Hein? Vous savez, on parle ici des agents de la TSC qui travaillent aussi dans cet environnement-là, qui aussi se prennent des doses. Hein? Donc, vraiment, ils n'en ont rien à foutre de même leurs propres agents. Donc, imaginez des voyageurs. Donc là, écoutez, allez voir ça, cet article-là. On vous fait un rappel d'ailleurs d'un autre article qui parlait qu'il y avait des évidences que justement les dommages causés par la radiation, on parle ici des ondes de terahertz, peuvent endommager justement les systèmes biologiques du corps humain. On a des études qui ont d'ailleurs rapporté des dommages génétiques significatifs, alors que d'autres ont montré que cela pouvait même dissiper votre chaîne d'ADN. Ça a été rapporté d'ailleurs par des gens comme Boyan Alexandrov du Centre for Nonlinear Studies à Los Alamos National Laboratory au Nouveau-Mexique. Donc, vous voyez, c'est quand même des sources très, très, très, très importantes. Donc, allez voir ça. Ça, c'est une autre histoire. Ensuite, ici, on est en train de parler d'une nouvelle façon invasive de scanner les gens. Alors, on est en train ici de parler de fouilles génétiques. Alors, on veut introduire ces trucs-là dans les aéroports par la DHS, alors le Homeland Security aux États-Unis. Donc, on parle ici d'un scanner DNA portable. Alors, n'est-ce pas absolument incroyable? Donc, on va être capable là, d'arriver directement sur le site de faire des tests génétiques des gens. Alors, hein? Oh, là, on commence à dégénérer, à voir la situation se dégénérer très rapidement. Ça, c'est une histoire à suivre. Vous avez plusieurs articles à aller consulter là-dessus. Donc, après vous avoir touché un peu partout, après vous avoir scanné, maintenant, le TSA veut hein, vous scanner puis même prélever de votre ADN. Alors, n'est-ce pas incroyable? Donc, peut-être qu'à ce moment-là, la meilleure façon de donner un échantillon de votre ADN, c'est de cracher dans la face hein, de ces agents-là. Peut-être que ce serait la meilleure façon de leur faire aussi passer un certain message. Hein? T'sais, tant qu'à faire, là, tant qu'à être ironique, là, on est tous capables d'y arriver, là. Donc, plusieurs articles à aller voir à propos de ça. C'est quand même assez particulier. Là, on parle ici d'agences privées comme le TSA qui pourraient faire de la collecte d'ADN. Et puis, c'est absolument rien de nouveau. Vous avez le Pentagone qui a admis d'ailleurs qu'ils ont une banque de données d'ADN de plus de 80 000 suspects terroristes étrangers. Ben oui. Et puis ça grandit à tous les jours. Alors maintenant, on est en train de mettre en place un appareil qui va être capable aussi d'accumuler maintenant de l'ADN des Américains. Hein, ça, on appelle ça le futur aux États-Unis, le futur tyrannique complètement capoté aux États-Unis. Vous avez l'analyseur d'ADN qui est désigné par NetBio, qui est Network Biosystems, qui est basé à Boston. Différentes nouvelles à aller voir là-dessus. Vous savez, ces gens-là qui essayent de vendre leur nouvel système de détection, de vos systèmes de détection qui sont très invasifs de la vie privée, puis évidemment de votre ADN. Okay? Ces gens-là n'ont aucun droit de prélever votre ADN. Hein? Donc voilà. Ensuite, vous avez quelques autres articles ici qui vont parler de projets de loi dans différents États, comme au New Hampshire, où on veut justement arrêter ces fouilles très invasives dans les aéroports. Alors, vous avez évidemment là des gens qui s'opposent à ça, et vous avez des représentants aussi, des politiciens qui se mettent derrière ce mouvement-là, qui sont bien d'accord avec ça, qu'ils voient justement l'attouchement hein, de votre femme et de vos enfants comme étant une invasion de la vie privée, puis peut-être même une agression sexuelle. Et puis d'ailleurs, vous avez dans certains États justement où on essaye hein, de passer maintenant un projet de loi qui ferait en sorte que justement ces attouchements de la TSA seraient comme des assauts sexuels. Quand même assez spécial. Vous avez un républicain ici au Texas aussi qui a proposé des sanctions criminelles pour justement des agents de TSA qui toucheraient trop vos parties privées et puis celles de vos femmes et celles de vos enfants. Donc, voyez là, quand même qu'il y a un mouvement ici d'opposition important qui est en train de prendre forme aux États-Unis. Vous avez un autre article ici assez intéressant où on apprend que justement un agent de la TSA. Lui qui était responsable de la détection comportementale. Alors, on observe votre comportement, puis si on trouve que vous agissez de façon suspecte, eh bien là, hein, on vous tasse de côté, puis après ça, bien, on vous met les doigts dans le derrière pour essayer de trouver des bombes atomiques. Hein? Et puis là, ces gens-là, pendant qu'eux autres, ils jouent leur rôle hein, de vraiment de garde de la tyrannie, eh bien, ces gens-là sont continuellement condamnés, semaine après semaine, à toutes sortes d'actes criminels. Vous avez d'ailleurs un officier ici. Lui qui a été accusé d'avoir aidé des trafiquants de drogue à travers la sécurité, donc à traverser les systèmes de sécurité dans les aéroports. Alors voilà, ça c'est un autre officier comme ça qui a été arrêté. Un autre, j'ai bien dit un autre parce qu'il y en a eu plusieurs autres. Hein? Donc on l'a accusé d'avoir abusé de sa position pour s'être engagé dans des activités illégales, pour avoir aidé justement des trafiquants de drogue, là, donc à transporter de la drogue à travers les aéroports sans être inquiété, hein, pendant que vous, ben, et votre femme et vos enfants sont fouillés manuellement ou ben non zappés par des scanners qui sont cancérigènes. N'est-ce pas incroyable? Donc, voilà, ça vient du Buffalo News, alors rapporté par les médias de masse. Et ensuite, ici, ben, on parle d'un autre backscatter, alors un autre scanner corporel avec justement des ondes millimétriques qui vont être déployées. Alors, une nouvelle vague, une nouvelle génération ici, là, de scanner qui va être capable de voir à travers vos corps. Alors là, c'est pas juste voir à la surface de votre peau. Alors là, les rayons vont carrément vous traverser le corps. Alors ça, c'est fantastique. C'est vraiment super. Alors là, si on n'était pas certain de vous donner un cancer, on vient de s'en assurer. Voilà. Donc là, c'est carrément des scanners qui sont de grade hospitalier. Okay? Donc, on parle ici de scanner corporel au complet. T'sais, on voit le corps là, vraiment là, de façon entière. La même méthode qui est utilisée justement pour détecter des fractures d'os ou les mammogrammes. Hein? Voilà. Donc là, toutes les fois, vous allez passer à l'aéroport aux États-Unis. C'est la même affaire qu'un gros scan là, radioactif, carrément, là, dans les aéroports en passant comme ça. Donc, une bonne petite dose de radiation en passant. Et bon voyage, hein? Et n'oubliez pas de sourire et d'être poli. Alors, voilà, quand même assez particulier, n'est-ce pas? Donc, dossier de la TSC qui est terminé. Maintenant, on va y aller avec les nouvelles de l'actualité. Vous en avez encore là assez, des assez surprenantes, en commençant d'ailleurs ici avec une compagnie pharmaceutique qui a été, bon, là, ici, ça, c'est une compagnie Forest, okay, qui a été mise à l'amende. On leur a donné une amende de 164 millions de dollars. Pourquoi? Eh bien, parce que ces gens-là ont été accusés d'avoir distribué des médicaments qui n'ont pas été approuvés. Vous avez des employés qui ont fait acheminer des médicaments après qu'ils avaient été avertis de ne pas le faire, et puis ils ont fait des fausses déclarations. Puis on a même manipulé, là, si vous voulez, des informations, hein, par rapport à la manufacturation de ces produits-là. Alors, Forest Pharmaceutical Incorporated ont reçu une amende criminelle de 150 millions de dollars et on leur a demandé aussi en fait, on a saisi, si vous voulez, là, 14 millions d'actifs de la compagnie, qui a d'ailleurs plaidé coupable au mois de novembre 2010 de félonie, et puis d'avoir obstrué la justice. Alors, imaginez, c'est quand même assez particulier, c'est ces compagnies pharmaceutiques qui veulent votre bien puis vous guérir. D'ailleurs, ces compagnies-là qui veulent votre bien, qui veulent vous guérir, vous protéger, vous en avez un autre exemple absolument fantastique ici. Vous avez une compagnie pharmaceutique qui, elle, a décidé de monter. En fait, c'est pas monter, là, c'est vraiment, là, écoutez, une explosion de prix, là, tout simplement, d'un de ces produits médicamentés qui aident à prévenir des enfants prématurés. Alors, vous savez, ces gens-là, tout ce qu'ils veulent, c'est augmenter les prix, faire de l'argent au maximum, hein, dessus votre dos. Et puis là, ben écoutez, c'est une sorte de médecine qu'on donne aux femmes enceintes et qui ne coûtait 10 $ la dose et qui va augmenter à, tenez-vous bien, accrochez-vous après votre chaise, on va passer de 10 $ la dose à 1 500 $ américains la dose. Alors, cette médecine est appelée McKenna et était disponible pour un prix modeste pendant des années, alors qu'on donnait une dose à chaque semaine. Alors imaginez une dose à chaque semaine maintenant à 1 500 $. Et puis on pourrait se retrouver avec maintenant, hein, des femmes enceintes qui doivent débourser jusqu'à 30 000 $ là, pour le cours hein, de leur période où ils sont enceintes. Alors pourquoi? Ben parce que KV Pharmaceutical de la ville de Saint-Louis a gagné en fait l'approbation de la FDA de vendre de façon exclusive McKenna le mois dernier. Alors maintenant qu'ils ont obtenu le monopole total, eh bien là, on est passé, hein, de 10 à 1 500 $ la dose. Fantastique. Merci beaucoup, compagnie pharmaceutique. Une étude ici sur les téléphones cellulaires montre qu'une heure d'exposition peut changer l'activité cervicale. Alors, ça a été publié par le Washington Post le 22 février dernier. Les scientifiques à la National Institute of Health ont publié une étude qui montre que 50 minutes d'utilisation de téléphone cellulaire peuvent altérer l'activité cérébrale du côté du cerveau qui est le plus proche de l'antenne du téléphone. L'étude qui a été menée par Nora D. Volko, la directrice du National Institute on Drug Abuse. Selon leur recherche, on a montré que les personnes qui sont exposées à 50 minutes de téléphone cellulaire reçoivent des fréquences à travers le cerveau qui peuvent augmenter le métabolisme du glucose dans la région la plus proche de l'antenne. On parle ici d'augmentation dramatique dans l'utilisation cellulaire des téléphones qui a généré beaucoup d'inquiétudes à propos des possibles effets négatifs des radios, en fait des fréquences radio, des signaux hein, qui passent à travers du cerveau, quoi. Alors, on a besoin de protéger les gens, particulièrement les enfants qui ont justement un crâne plus mince. Voilà. Ensuite, vous avez le Japon qui a suspendu l'utilisation de certains vaccins de Pfizer, Sanofi Pfizer. Pourquoi? Ça, c'était rapporté par Dow Jones, Tokyo. Vous avez ici le ministère de la Santé du Japon qui a temporairement suspendu l'utilisation de Prévenar qui est fabriqué par Pfizer. Bon, ce qui arrive, c'est que c'est aussi fabriqué par Sanofi A26 et on est en train d'enquêter sur la mort de quatre enfants et puis sur la possibilité que ces morts soient liées à ces vaccins pédiatriques. Alors, vous avez ces quatre enfants qui étaient âgés de 6 mois à 2 ans, qui sont morts après avoir reçu soit le Prévenar ou le ACT-HIB, qui est fait par Sanofi A26, ou une combinaison de vaccination, selon ce qu'a déclaré le ministère de la Santé japonaise. Les morts sont survenus entre le 2 et le 4 mars. Ensuite, on a d'autres données ici qui montrent que les vaccins contre la grippe double les risques d'infection du H1N1. Alors, ça a été publié par ABC. Alors, ça aussi, c'est des données qui viennent corroborer ce qu'on a dit pendant en fait, depuis le début de cette folie du H1N1 l'année passée, en 2010. Donc, un autre article assez important à aller voir. Et ensuite, il y a un autre truc ici qui a été publié par MSNBC. Et en fait, c'est une étude, en fait, un sondage. Où on a interrogé plus de 40 000 personnes qui ont voté fortement en faveur de l'étiquetage des produits qui sont modifiés génétiquement dans les épiceries. En fait, vous avez 96% de tous les répondants qui ont souhaité avoir un étiquetage des produits qui contiennent des OGM. Alors, quand même assez important comme marge, là, à 96%, ça veut dire que réellement, là, à toute fin pratique, toute la population demande un étiquetage des produits qui contiennent des OGM. Et puis, ben, vous avez les gouvernements qui protègent les compagnies qui font les OGM, comme Monsanto et les autres, et refusent toujours d'acquiescer à la demande du public qui consomme ces produits-là, hein, d'étiqueter les produits pour qu'on puisse choisir ceux qu'on veut consommer. Donc, évidemment que le but est très, très clair, c'est qu'on sait très bien que dès qu'on va étiqueter ces produits-là, que toutes les compagnies qui produisent les OGM, ils vont faire faillite demain, là. C'est pas bien compliqué, là. La journée suivante, là, ces gens-là, vous allez voir les actions, là, sur Wall Street descendre de façon catastrophique. Donc, on veut éviter ça à tout prix. Donc, on préfère tenir les gens dans la pénombre, vraiment dans le noir, et puis les empêcher de faire des choix éclairés. Donc, c'est comme ça que vraiment, hein, on prend soin de votre santé. Ensuite, vous avez tout ce dossier important du G20, du sommet du G20. J'en ai parlé, je ne sais pas si la semaine passée ou l'autre d'avant, mais écoutez, les informations sortent de plus en plus. Il y a eu des affaires assez incroyables qui se sont passées là. Il faut faire encore une fois la job des médias traditionnels ici. Vous avez une vidéo très importante de l'Ombudsman de l'Ontario qui s'appelle Pierre Martin qui commente le rapport de l'enquête qui a été effectuée suite au sommet du G20 de Toronto et les nombreuses arrestations et détentions non fondées qui ont lieu à cette occasion. La vidéo est particulièrement intéressante parce que M. Martin discute du fait que les policiers n'ont eu aucun droit en vertu de la Common Law ou des lois canadiennes d'arrêter les gens sur les rues sans aucune raison et de leur demander de s'identifier. On a assisté vraiment ici là, à un épisode complètement totalitaire là, durant le sommet du G20 avec des actions absolument révoltantes là, des forces de l'autorité. Et bon, dans cette vidéo-là, M. Martin discute également le fait qu'une loi de type martial a été invoquée durant le sommet du G20 pour violer les droits et libertés civiles des citoyens et conclut que les agissements de force de l'ordre étaient illégaux. Alors ça aussi, c'est tout un dossier. Je vais sûrement écrire un article dans les semaines à suivre et puis évidemment que je vais vous inviter à aller le lire quand ça va être publié. Donc, vous avez ici bon des forces de la police de Toronto qui a fait des assauts sexuels sur des femmes lors du sommet du G20. Alors ça, c'est un fiasco aussi qui est loin d'être terminé. Vous avez Sybil Blair aussi qui parle justement de ça dans une vidéo. Ensuite, vous avez un autre rapport ici qui demande justement des enquêtes publiques par rapport à ce qui s'est passé. On a besoin d'une enquête publique d'envergure pour faire la lumière sur évidemment la violence qui a été utilisée contre des manifestants complètement pacifiques au sommet du G20 qui a eu lieu à Toronto. Des agissements absolument scandaleux, quoi. Et puis, vous allez trouver d'autres vidéos par rapport à ça. Donc, un dossier à suivre, le truc du G20. Ensuite, vous avez Hillary Clinton ici qui a demandé pour plus d'argent après avoir déclaré en face du Congrès que les États-Unis sont en train de perdre la guerre de l'information. Hein? Donc, eux autres, là, sont en train de mener une guerre de l'information. Donc, déjà, ça vous fait vraiment un tableau très clair là, de ce que ces gens-là ont en tête quand on parle de guerre d'information. C'est-à-dire que ne vous faites pas d'idées là, avec ça. Là, c'est très clair. C'est-à-dire qu'on est en train de mener une guerre de propagande pour essayer de contrôler l'information. Ils sont en train de la perdre. Qui est en train de la gagner? S'ils sont en train de la perdre, ben, c'est nous, c'est vous, chers auditeurs. C'est les médias alternatifs qui osent vous rapporter les nouvelles essentielles, les nouvelles qui se rapprochent le plus de la vérité. Ici, on cherche vraiment à savoir ce qui s'est véritablement passé. Au lieu de vous emplir de caca, hein? Donc, excusez pour les petits mots de bas étage, là, mais réellement, là, on vous remplit de marde, c'est pas même compliqué, là, je veux dire, je veux dire, alors, vous regardez les médias, on a la misère à savoir ce qui se passe à toutes les 2 minutes, là, je veux dire, là, eux autres, là, ils s'aperçoivent qu'ils sont en train de perdre la guerre, et puis là, ont besoin de plus d'argent des payeurs de taxes, hein? Donc, les payeurs de taxes, ils vont payer pour avoir plus de propagande à la TV, fantastique. Ensuite, vous avez Google qui a restreint l'accès à du contenu sur Internet. Alors, vous avez Google qui a admis ça la semaine passée. Et puis, on est en train de donner, en fait, le pouvoir à ses employés de choisir, de sélectionner ce qui va apparaître dans les résultats de recherche, qui ont fait une recherche Google. Alors, ça a été admis carrément par les employés de Google, ce qui en fait vraiment un témoignage assez historique dans le sens où on doit comprendre toute sa signification. Alors, il n'y a pas si longtemps, Google clamait responsabilité et disait que toutes les recherches qui sont faites sur son moteur de recherche n'étaient choisies par personne, en fait, étaient le résultat d'un algorithme informatique. Hein? Donc, vous avez d'ailleurs, si vous voulez, ce genre de politique qui est toujours affichée sur Google News. Hein, qui nous assure que réellement, on ne choisit pas les nouvelles. Mais là, vous savez, ne faites pas d'erreur, Google est en train de se déplacer dans un nouveau territoire, celui où non seulement on va faire des choix de façon arbitraire, mais on va faire des choix éditoriaux aussi. Ce qui est vraiment rien de différent que des réseaux d'information comme Fox News. Okay? Donc, ou n'importe quelle autre organisation médiatique. Alors, nous sommes maintenant dans la business de valider puis de manufacturer le consentement. Non seulement en reportant ce que les gens disent, mais aussi en choisissant ce que vous devriez penser. Et puis, qui va choisir ça? Quand, qui va faire cette sélection-là? Il faudrait peut-être se poser la question. Une compagnie Internet qui est en train de devenir Google gouvernement, hein, le Google, genre de gouvernement, Google, whatever, appelez ça comme vous voulez. Vous devez aussi vous rappeler que vous avez Robert Steele qui a déclaré lui-même que Google est dans le même lit que la CIA. Donc, évidemment, que ces trucs-là servent les banques de données de la CIA et de la NSA aussi. Donc, ça aussi, là, vous devez comprendre, hein, que ces trucs-là sont très bien établis. Ensuite, vous avez Goldman Sachs, hein, la grande banque de Wall Street, vraiment incroyablement riche et puissante, qui, elle, a engagé une firme de loi, hein, une firme en fait de juristes, d'avocats, pour fermer un site de blogueurs. Alors, n'est-ce pas incroyable? On a engagé la firme Chadbourne et Park pour poursuivre un blogueur qui s'appelle Mike Morgan. Et on essaye de lui causer des problèmes parce que ce gars-là, lui, il avait un site où il parlait justement hein, des faits à propos de Goldman Sachs qui n'étaient pas très reluisants. Il avait un site qui s'appelait Goldman Sachs 666.com qui a été fermé il y a quelques semaines. Et puis là, parce que ce gars-là, évidemment, il critique de la banque de Goldman Sachs, ben là, vous avez Goldman Sachs qui a engagé une firme d'avocats pour essayer de fermer son site et le poursuivre en justice. Alors, n'est-ce pas incroyable? Hein, Goldman Sachs qui pense encore vivre dans le 19e siècle, hein, qui pense que même qu'en fermant son site Internet, il va arriver à fermer la gueule d'un blogueur. Alors, il devrait peut-être comprendre que quand on enferme un blog, ben, il y en a 10 autres, 20 autres qui se mettent en place et qui rouvrent à chaque jour. Alors, ces gens-là, vraiment, là, c'est des dinosaures. Ils ne comprennent pas comment que, justement, la révolution d'Internet fonctionne. Et puis, savoir quand ça se fait que, justement, les gens arrivent à maintenant communiquer ensemble sans passer par les médias, sans passer par les autorités, en s'échangeant l'information eux-mêmes. Donc, voilà. Ensuite, vous avez une autre nouvelle assez importante ici où on parle de documents qui ont été obtenus du Homeland Security qui ont révélé vraiment un changement radical dans sa politique dans l'Internet. Alors, on a maintenant des utilisateurs d'Internet qui pourraient être arrêtés pour faire des liens vers d'autres sites Internet. Alors, je m'explique. Vous avez un cas ici particulier. J'en ai parlé d'ailleurs dans le passé. C'est un site des fois que je visitais pour aller voir des games de hockey, puis des trucs du genre, qui s'appelait channelsurfing.net. Et puis, c'était tenu par un gars qui s'appelait Brian McCarthy. Et puis, lui, ben, il envoyait des liens vers différents sites Internet où on pouvait regarder soit des shows de TV avec ce qu'on appelle du online streaming, là, c'est-à-dire que on clique là-dessus, puis là, on arrive, puis on est capable de voir ces shows-là partie de l'Internet ou, ben non, des réseaux de sport. Et puis, il y a quelques mois, en fait, environ 2 mois, le gouvernement a saisi son domaine. Et puis là, on a les agents qui sont descendus chez eux et puis qui l'ont arrêté sur des charges, justement, criminelles d'avoir enfreint des droits d'auteur, ce qui est punissable aux États-Unis par 5 ans d'emprisonnement. Alors, on a juste obtenu, cette semaine, on a tout juste obtenu une copie de cette plainte-là du département de Homeland Security et puis de la Migrations and Customs Enforcement aux États-Unis qui ont monté des charges contre lui. Et dans ce document-là, on trouve qu'il n'y a aucune allégation qui a fait une copie de quoi que ce soit. Alors, il n'y a pas copié, il n'y a pas eu de copie ou vraiment de fraude à ce niveau-là. Alors, tout ce qu'il a fait, lui, ce gars-là, c'est qu'il a mis des liens sur son site vers d'autres sites qui, peut-être à ce moment-là, d'autres auraient du matériel qui était protégé par des droits d'auteur, mais pas sur son site lui-même. Alors, sous cette sorte de façon de penser, n'importe qui envoie des liens qui pourraient mener vers un site où il y a des trucs qui sont protégés par des droits d'auteur, comme par exemple, imaginez une vidéo YouTube. Qui n'envoie pas des liens vers des vidéos YouTube? Eh bien, imaginez qu'une des vidéos que vous avez envoyées contient du matériel que vous n'étiez même pas au courant. Complètement de bonne foi, là, réellement, là, c'est une erreur totale de votre part, là, vous n'étiez pas au courant du tout. La vidéo contenait du matériel qui était protégé par des droits d'auteur, ZAP. Ben, les autorités américaines peuvent venir à ce moment-là à votre porte et cogner et vous arrêter. Imaginez, ils vous mettent en prison pendant 5 ans. N'est-ce pas incroyable? Donc, voilà dans l'air dans laquelle on est en train de glisser aux États-Unis et vous avez ici une pétition pour arrêter cela. Parlant de pétition, j'en avais deux ici à vous annoncer. Et puis, bon, j'ai pas vraiment là l'habitude de vous envoyer signer des pétitions, mais je crois que celles-ci peuvent peut-être avoir un certain intérêt. Alors, à vous de juger. J'en ai reçu un ici par courriel où on me dit on vous salue tous et puis on dit, comme vous savez déjà, le CRTC vient de rendre une décision permettant à Bell Canada et aux autres grands fournisseurs Internet de facturer à l'utilisation pour l'Internet. Et si cette décision est maintenue, non seulement les frais d'accès à l'Internet augmenteront-ils considérablement pour les utilisateurs, mais le fait sera également de limiter l'achalandage sur les sites individuels, ce qui ultimement fera que l'Internet deviendra moins ouvert et moins accessible. Alors, veuillez prendre quelques moments pour cliquer sur le lien ci-dessous et signer la pétition électronique afin d'obliger le CRTC à renverser sa décision. Et d'ailleurs, vous avez le ministre du Commerce ici au Canada qui s'est même prononcé contre cette décision du CRTC. Donc, apparemment que le gouvernement Harper est aussi contre cette décision. Donc, il faut mettre tout son poids et puis faire en sorte, effectivement, que ça soit complètement renversé et annulé. Donc, vous avez un lien qui va être disponible en tête. Et puis, vous allez aussi avoir ce lien que je vous invite à transmettre à vos parents, vos amis, en demandant de signer la pétition et de la faire circuler. L'autre, en fait, la troisième, c'est un autre que j'ai reçu de Jean-François Garneau, qui est chargé de communication. Il dit, lui, que bon, j'écoute votre intéressante émission en espérant que vous pourriez suggérer à vos auditeurs de signer la pétition de Madame et Monsieur Goyette, parents de Mathieu Goyette, qui a péri avec sa conjointe enceinte dans l'effondrement du viaduc de la Concorde à Laval en 2006. La pétition réclame que l'effondrement ne soit plus assimilé à un accident de la route, que l'indemnisation des victimes de cas semblables soit confiée au ministère des Transports et non à la SAC, et qu'un symbole commémoratif soit placé sur le site du viaduc lui-même. Alors, vous avez le lien de la pétition sur le site de l'Assemblée nationale. Donc, je croyais que ça valait quand même la peine d'être mentionné parce que c'est quand même des causes intéressantes, quoi, des causes importantes à soutenir, je crois. Donc, voilà pour ces pétitions. Donc, nous, on poursuit avec nos nouvelles. Écoutez, ici, on apprend que vous avez le DARPA's Cheetah's Bot. Alors, c'est quoi cette histoire-là? Ben, écoutez, vous avez aux États-Unis une compagnie qui s'appelle Boston Dynamics, qui est le fabricant du Big Dog que l'armée utilise, qui est en fait une genre de mule robotique qui avait été développée. Et puis là, ben, vous avez un nouvel animal robot qui a été créé par cette compagnie-là, qui s'appelle le Cheetah Bot, okay? Et qui sont des quadrupèdes, en fait, des robots à quatre pattes qui se déplacent plus vite que n'importe quel humain et assez agiles pour chasser et aussi, si vous voulez, s'enfuir, finalement, là, ne pas être capturé. Donc, très agiles, là, justement, pour s'évader, si vous voulez. Et puis, c'est assez particulier. Alors, des robots maintenant qu'on design pour utiliser dans des guerres ou carrément à la maison. Donc, à la maison, je parle ici à l'intérieur du pays. Donc, on pourrait utiliser pour soit enquêter ou chasser des criminels ou quoi que ce soit. Peut-être même vous, tu sais, je veux dire, en quelque part. Donc, vous avez ces robots-là assez particuliers qui sont capables de zigzaguer pour chasser puis même s'évader, qui sont capables de s'arrêter vraiment sur une pièce de monnaie, si vous voulez, là, vraiment très, très rapidement. Et vous voyez ces trucs-là qui pourraient être utilisés pour différentes utilisations, peut-être même la police. Alors, vous avez tout un article ici à aller lire. Et puis, bon, c'est un peu particulier. Pourquoi? Parce qu'on dit qu'on est en train même de développer ici un robot humanoïde qui pourrait ressembler au Terminator, comme le film célèbre. Et ce robot humanoïde s'appellerait. Un peu, tu sais, qui ressemblerait un peu comme la série T-800 là, dans la série de films Terminator, là, ressemblerait un peu à ce robot-là sans la tête. Alors, on dit, les designers ont déclaré que ce robot-là serait capable de marcher comme un être humain et puis même à travers des terrains accidentés, serait capable de, hein, même, de ramper à terre. Sur ses mains et sur ses genoux, lorsque nécessaire, serait capable de se tourner sur les côtés et puis de glisser même à travers des passages étroits. Et ainsi de suite, quoi. Donc, vraiment, là, c'est quand même un particulier futur qui nous attend quand on regarde ces nouvelles-là. Donc, je tenais à vous en parler, des nouvelles assez particulières. Ensuite, vous avez Israël qui est en train de rechercher l'approbation internationale pour plus de guerres et plus de corps morts. Alors, vous avez l'IDF, le Tsahal israélien, qui a finalement mis en place des gens, des porte-paroles, une unité de porte-paroles qui opère de façon quotidienne avec plus de 500 médias et plus de 2 500 journalistes et puis des agents civils qui travaillent pour promouvoir les activités d'Israël à travers le monde. Alors imaginez l'équipe incroyable qui est déjà mise sur place. Vous avez déjà aussi Israël qui activement utilise des médias sociaux comme Facebook pour faire des relations publiques, particulièrement durant ces attaques controversées, comme celle qui a eu lieu lors de l'opération de plomb durci à Gaza et aussi dans son assaut fatal qui a eu lieu contre le convoi d'aide humanitaire en eau internationale il n'y a pas si longtemps, hein? Donc là, vous avez en 2009 aussi Le ministère des Affaires étrangères israélien qui a annoncé qu'il y avait plus de 100 000 $ de leur argent, eux autres, là, qui avaient été alloués justement pour mettre en place des équipes professionnelles, hein, donc des ce qu'on appelle des talkbacks, là, des écriveurs, des auteurs, des commentateurs qui finalement se déplacent un peu partout sur l'Internet. Sur toutes sortes de sites Internet à travers le monde avec des messages pro-israéliens. Alors ça a comme pour source Uruknet. Alors vous voyez vraiment ici comment qu'on manipule vraiment toute l'information puis qu'on essaye d'embellir la réalité. Ça n'a pas l'air de fonctionner trop. Vous avez Israël qui perd beaucoup aussi dans un sondage ici de popularité qui est tenu à chaque année. Alors vous avez un genre d'ordre de popularité de 16 pays basé sur 27 pays qui sont sondés. Alors, on fait des enquêtes là, dans tous ces pays-là. Alors, vous avez l'Allemagne, vous avez l'Angleterre, le Japon, le Canada, la France, les États-Unis, le Brésil, la Chine, l'Afrique du Sud, l'Inde, la Corée du Sud, la Russie, Israël, le Pakistan, la Corée du Nord et l'Iran qui sont inclus dans ce sondage-là. Vous avez la photo d'ailleurs qui vient de BBC. Et vous avez Israël qui est groupé dans la même section avec l'Iran et la Corée du Nord comme les pays les moins populaires du monde. Israël qui fait vraiment partie là, des pays en bas de la liste. La BBC qui a fait un sondage auprès de 27 pays et qui montre qu'Israël est vu comme étant un pays qui a une influence négative dans le monde et qui reçoit le plus d'opinions négatives à l'intérieur des États-Unis et en Angleterre et qui ont augmenté au fur et à mesure que les années ont passé. Donc, quand même assez particulier. En 2011, vous avez 22 des 27 pays qui penchait plus du côté négatif en regardant Israël et puis se dirigeait vers les pays comme l'Égypte, la Turquie et l'Indonésie. Les pays qui voyaient Israël de façon la plus positive étaient les États-Unis, la Russie, le Ghana et la Chine. Autre nouvelle particulière dans le cas d'Israël, vous avez Netanyahou, le premier ministre Benjamin Netanyahou, qui est en train de considérer un plan de coopérer avec les Palestiniens sur l'établissement d'un État palestinien, mais avec des frontières temporaires. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire, là. Je ne sais pas qu'est-ce que Netanyahou a en tête, là, mais proposer un État avec des États temporaires, avec des frontières temporaires, je ne sais pas où on s'en va avec ça. Hein? Donc, ça, c'est assez particulier, des frontières temporaires. Alors, franchement, Netanyahou veut que la Palestine reconnaisse un État juif et avec toutes les frontières en retour. Et avec une ligne qui est capable d'être effacée au fur et à mesure que l'État d'Israël agrandit son État. N'est-ce pas, c'est incroyable? Donc, évidemment, vous avez l'autorité palestinienne qui a rejeté cette offre complètement débile de Netanyahou. Et puis, évidemment, qu'on veut discuter de frontières fixes pour l'État palestinien. Et puis, c'est de cette façon-là qu'on, finalement, on fait tout le temps dérailler ces processus, c'est pour parler pour la paix. Pourquoi? Ben parce qu'évidemment, là, vous avez Netanyahou qui a déclaré au Télégraphe qu'il n'y avait aucune base pour discuter des frontières de la Palestine, d'un État palestinien, sans avoir le leadership de la Palestine qui devrait reconnaître Israël comme étant un État juif. Alors, on veut reconnaître. On veut que les Palestiniens reconnaissent l'État juif, mais on veut ensuite que l'autorité palestinienne se déclare un État avec des frontières temporaires. Donc, c'est évidemment que, hein, on est en train de développer un genre de concept assez orwellien ici au niveau d'Israël, ou en Israël qui demande à la Palestine de reconnaître un État juif sans savoir où l'État de cet État juif commence et où il s'arrête. Donc, c'est évident que si Israël veut avoir de la part de ses voisins une reconnaissance de son État, eh bien, il faudrait peut-être commencer par reconnaître un État palestinien. Hein? C'est ça qui est le problème. Israël refuse de donner aux autres ce qu'elle demande pour elle-même. Ensuite, dans un autre article ici de Press TV, on apprend qu'Israël est en train de planifier une nouvelle guerre avec ses voisins. Alors, Israël est en train de planifier une nouvelle guerre et puis est en train de renforcer ses positions au Moyen-Orient, suivant justement ces réformes politiques qui sont en train de se propager à tout le Moyen-Orient. Donc, vous avez un diplomate occidental dans la capitale du Jourdain qui a déclaré qu'Israël a décidé d'attaquer la Syrie puis le Liban, suivant justement la chute du régime de Hosni Moubarak en Égypte. et que ceci a d'ailleurs été évidemment une grave perte pour Tel Aviv, et que ben là, on va essayer de récupérer hein, cet équilibre, ce pouvoir, ce contrôle qu'Israël avait sur ses voisins en attaquant cette fois-ci le Liban. Donc, vous savez aussi, vous avez des guerres d'eau qui sont aussi en jeu là-dedans, hein? Donc, vous avez des ressources naturelles très importantes aussi, comme le pétrole. Ensuite, vous avez une autre affaire assez incroyable ici, c'est la New York University Israel Club qui a appelé Gesher. Donc, c'est, vous savez, qui est en train d'organiser une semaine de la paix israélienne pour contrer la semaine de l'apartheid israélien. Hein? Donc, on a appelé la Israel Peace Week. Incroyable. Ensuite, ben là, vous avez cet événement-là qui va mettre, qui va présenter des soldats, en tout cas au moins un soldat israélien qui était là sur le bateau lors de l'attaque de la flottille de la Liberté d'aide humanitaire en eau internationale. N'est-ce pas incroyable? Ça serait pas comme, genre, inviter un membre des Hells Angels à parler à une conférence sur la conformité sociale. Hein? C'est quand même assez particulier, ça. C'est dans le type, de, justement, d'encore le langage orwellien dans lequel on nage. Ensuite, vous avez l'armée israélienne qui a envahi Nablus. Alors, les Palestiniens ont publié cette nouvelle. Alors, on a de l'activité militaire dans la Cisjordanie. Vous avez un nombre de jeeps et puis de camions qui ont envahi la région et puis qui ont confisqué plus de 20 réservoirs à eau qui sont à utilisation civile. Alors, c'est de l'eau que les gens utilisent pour boire, et puis là, on a saisi 20 de ces réservoirs à eau. Hein, n'est-ce pas incroyable? Alors, le déni de besoin de base pour la vie, comme de l'eau et de la nourriture, est un crime de guerre, rappelons-le. Ensuite, là, vous avez ainsi un ministre israélien qui, lui, se plaint, pleure sur les médias en disant que le monde est conditionné à supporter les Palestiniens. Alors, il a carrément accusé la communauté internationale d'automatiquement si vous voulez, faire route ou se ranger du côté des Palestiniens. Alors, lui, il y a un petit problème à comprendre que, en fait, c'est les agissements de l'État israélien qui entraîne tout ce genre de backlash, ce genre de mécontentement de la communauté internationale. Hein? Donc, c'est pas parce que les gens sont conditionnés ou ben non anti-israéliens ou ben non antisémites. Hein? Ces gens-là ont de la misère à comprendre pourquoi les gens sont fâchés avec les agissements d'Israël. Bon. Ensuite, comme c'était passé, ben là, vous avez Barak, lui, qui a demandé une aide additionnelle de 20 milliards de dollars en aide militaire de la part des États-Unis. Alors, eux autres, ces gens-là n'en ont jamais assez d'argent. Alors, non seulement ils commettent des crimes de guerre et tout, ben on se retourne de bord. En plus, on demande aux Américains de payer ça. C'est pas incroyable. Vous avez d'ailleurs Israël qui ont bombardé une université qui était encore en construction à Gaza il y a quelques jours. Et pendant ça, là, ils se retournent de bord. Et puis là, hein, quand les voisins vraiment deviennent en colère, ben là, à ce moment-là, on demande aux Américains, aux payeurs de taxes américains, plus d'argent pour qu'ils puissent se défendre. Ça, c'est un racket de la guerre. C'est pas incroyable. Vous avez Alan Hart. Alan Hart, c'est qui? Ben écoutez, c'est un ancien correspondant de ITN, de BBC Panorama. Un correspondant étranger qui a couvert des guerres et des conflits pendant toute sa carrière spécialisée au Moyen-Orient, qui a d'ailleurs écrit un livre qui s'appelle Sionisme, le vrai ennemi des Juifs, qui est un volume, en fait un truc en trois volumes. Et puis, lui a publié un article ici assez important. On dit, est-ce que le statut d'État paria pourrait sonner la fin du sionisme? Donc, vous avez ici un diplomate israélien qui s'appelle Ilan Baruch, qui lui a déclaré qu'il ne pouvait plus représenter Israël. Alors, c'est un éminent Israélien qui lui a décidé de se retirer, de prendre sa retraite. C'est un vétéran diplomate qui lui a décidé de ne plus représenter son gouvernement à cause de ses politiques qui sont erronées. Alors, lui a même ridiculisé l'assertion des sionistes, comme quoi que justement le sentiment anti-israélien global qui était généré par l'occupation, qui sont une manifestation de l'antisémitisme. Alors lui, vous voyez, là, c'est quand même assez intéressant. Là, vous avez un diplomate vétéran israélien qui a décidé de se retirer de son travail, ne veut plus représenter, si vous voulez, la politique israélienne actuelle, qui est sioniste. L'assertion des sionistes qui utilisent tout le temps l'antisémitisme pour blaster les sentiments anti-israéliens globaux partout dans le monde. Alors voilà qui est très, très, très intéressant. Ça, c'est un gars qui a été commandant d'un platoon de chars d'assaut lors du front de la guerre sur le front du canal de Suez. Ce gars-là a perdu un œil. Ça fait, il a donné 30 ans de service comme étant au ministère en fait des Affaires étrangères israéliennes, qui était posté à Singapour, à Copenhague, à Londres, et qui a servi aussi ambassadeur auprès des Philippines et puis d'Afrique du Sud. Donc un gars qui a occupé énormément de postes très importants et qui finalement sort publiquement de la sorte. Alors, voilà ce qu'on essaie justement de faire ici. Je supporte énormément des personnages comme ça. Vous voyez, ce n'est pas de l'antisémitisme, c'est vraiment de critiquer des politiques complètement débiles et sauvages d'un État qui ne représente même plus sa propre population, qui met en fait en danger sa propre population. Donc, lui, il rejette et puis il identifie avec abjection justement cet argument d'antisémitisme qui est utilisé justement pour fermer la gueule à l'opinion publique globale contre l'occupation, contre ses utilisations de forces militaires sauvages et disproportionnées contre ses voisins, et puis différentes peuplades, même à l'intérieur même, vous savez, les Bédouins qui se font raser leur village fois après fois. C'est incroyable, je veux dire. Donc, voilà. Donc, lui a déclaré que si cette tendance se continuait, Israël était pour devenir un État paria. Et que c'est eux-mêmes qui sont en train de se délégitimiser à la face de la planète, à la face de la communauté internationale. Donc, un article absolument important à aller voir. Donc, voilà. Donc, je vous laisse aller découvrir ça. Ensuite, vous avez, pour terminer les nouvelles de l'actualité rapidement, là, vous avez ici un témoin très important dans une poursuite ici, qui a nommé la reine d'Angleterre dans l'enlèvement d'aborigènes, en fait d'enfants ici amérindiens, et qui soudainement a été trouvé mort. Alors, voilà, donc ça aussi, c'est un peu la façon que ça fonctionne. Donc, quand vous commencez vraiment à pointer du doigt des personnages importants qui sont vraiment victimes, ben comme par magie, ces gens-là ont tendance à décéder. Hein? Donc, ça fait partie du dossier dont on commence à parler de plus en plus ici au Canada, dont je vous avais parlé. Vous avez une commission internationale, une enquête internationale qui est ouverte ici, qui va enquêter sur ce qui s'est passé au Canada dans les écoles résidentielles où on a eu notre génocide canadien. Vous avez environ 50 000 Amérindiens qui ont péri aux mains des églises, en fait de l'église ici, puis du gouvernement canadien. Donc, voilà, assez particulier comme dossier, donc à suivre. Ensuite, un autre ici assez particulier, vous avez des prisonniers qui, eux, aident à construire des missiles Patriot aux États-Unis. Alors, ça aussi, c'est assez particulier. Vous avez une entente, un contrat qui était fait avec les États arabes, les Émirats, hein, des États arabes qui ont fait un deal avec les États-Unis de 7 millions de dollars pour de l'armement. Et puis, on apprend dans cette nouvelle-là que presque la moitié de cet argent-là va être dépensé sur des missiles Patriot qui coûtent environ 5,9 millions de dollars la pièce. Et puis, ben là, on apprend que c'est les travailleurs qui manufacturent les parties, en fait, les différentes parties de ces missiles Patriot sont des prisonniers qui, eux, gagnent environ 23 cents de l'heure. N'est-ce pas incroyable? Alors, le travail est fait par Unicor, qui était en fait connu avant sous le nom de Federal Prison Industries. C'est une corporation qui est possédée par le gouvernement, qui est détenue par le gouvernement, et puis qui emploie environ 20 000 prisonniers dans 70 prisons, qui eux autres fabriquent toutes sortes d'affaires en allant de des vêtements à des trucs pour les bureaux et même des panneaux solaires jusqu'à même aussi des produits électroniques militaires. Alors voilà, c'est quand même assez particulier. Ensuite, vous avez un autre article ici qui parle des drones aux États-Unis qui pourraient être utilisés. Ça a été rapporté par CBS4, donc des drones qui volent au-dessus de votre maison et puis qui peuvent voir à l'intérieur de votre maison. Alors, on veut utiliser ces nouveaux outils-là pour combattre le crime, dit-on. Et puis là, on va être même capable de voir à l'intérieur de votre maison. Le truc s'appelle The Micro Air Vehicle ou le MAV. Et puis, il est contrôlé à distance. Et puis, on a une petite caméra ici à distance portable. Et puis, là, vous avez une démonstration, il y a une vidéo. Et puis là, ben voilà quoi. Donc, on utilise ça pour voir même jusque chez vous, n'est-ce pas? Assez particulier. Ensuite, vous avez un autre policier qui est mort aux États-Unis. C'est le 37e qui est mort cette année. Alors, j'en avais parlé aussi dans un autre article, dans une autre émission, en fait, précédente. On a une genre de vague comme ça aux États-Unis assez particulière d'agents de la police qui sont tués. Donc, je ne sais pas ce qui se passe là, mais vraiment, on est rendu au 37e là, cette année. Donc, une autre nouvelle un peu particulière. Un homme qui a été faussement accusé de viol a été relâché après 17 ans d'emprisonnement. Et puis, lorsqu'il est sorti, on lui a donné la facture qui a manqué, hein, des factures de paiement de pension pour son enfant. Alors, lui, il était en prison pendant 17 ans, faussement accusé et puis emprisonné toutes ces années. Alors, un homme innocent, on le relâche et puis après ça, on lui donne la facture de 111 000 $ à payer pour justement des paiements pour son enfant qui est à la charge de sa femme. Alors, c'est assez particulier. Donc, est-ce que l'État va payer pour lui? Est-ce qu'on va l'aider puisqu'il était complètement innocenté? Eh bien, je ne sais pas, mais disons que c'est un dur coup dans les dents quand tu sors de prison, n'est-ce pas? Surtout que tu as été emprisonné, tu as perdu 7 ans de ta vie pour absolument rien, hein? Parlant de prison, bien, vous avez Obama, lui, qui a créé un système de détention indéfini pour les prisonniers à Guantanamo Bay. Alors, Obama, lui, qui a signé un ordre exécutif lundi dernier, qui crée un système formel de détention indéfinie dans lesquels seront emprisonnés des gens à la prison militaire de Guantanamo Bay, à Cuba. Et qui posent réellement, là, on dit, on va emprisonner là des gens qui posent une menace significative à la sécurité nationale. Hein? Donc, bien sûr. Donc, évidemment, là, la traduction de ça, c'est que les prisonniers qui sont toujours à Guantanamo, hein, ont des cicatrices qui prouvent qu'ils ont été torturés, hein? Des choses encore bien pires que le waterboarding, et que le gouvernement ne va jamais oser de leur permettre de sortir et de montrer ces cicatrices au niveau du public, hein? Donc là, on va cacher ces gens-là de façon indéfinie parce qu'ils ne sont pas montrables en public. Donc bravo, M. Obama, yes weekend, hein? C'est fantastique, c'est super. Et puis, on va terminer avec la dernière petite nouvelle. Ici, vous avez la conférence américaine des archevêques catholiques qui se sont entendus. Ils ont donné l'ordre d'une nouvelle traduction de la Bible. Alors, on dit qu'on va essayer de mettre au point une nouvelle traduction qui va être apparemment plus précise et plus accessible et peut-être même plus poétique. Alors, on se demande encore là, qu'est-ce qui va arriver, hein, du mot immuable de Dieu? On dit que c'est le mot immuable de Dieu qui est dans la Bible, alors qu'on s'aperçoit finalement que cela démontre très clairement que la Bible a tout le temps été changée par le leadership de l'Église pour concorder avec leur propre goût et leur agenda. Le mot de Dieu qui est écrit par des hommes selon leur propre traduction, selon leur propre goût du temps. Donc voilà. Donc c'est assez pour ces nouvelles de l'actualité. On va revenir après ça avec la pause, après la pause. Avec les nouvelles de l'économie et puis aussi des nouvelles des révoltes qui se poursuivent autour du Moyen-Orient, du Proche-Orient et puis de l'Afrique du Nord. In my heels and dip, them checks so we hip and dip. from Cosmos Ping, but the truth then I know ending. Then I know, say we top ranking, uptown top ranking. Should I see me and the ranking dread? Check out with jamming and ting. Love is all I bring in a me khaki suit and ting. Now pop, no style, I strictly rules. Now pop, no style, I strictly rules. Watch out we chuck it and ting in a me khaki suit and ting. Love is all I bring in a me khaki. Cette petite chanson est reggae, Uptown to Rankin. Alors, on poursuit avec l'économie. Donc, l'économie, vous avez aux États-Unis, le gaz a augmenté de 33 cents le gallon. La plus grosse augmentation qui s'est produite. En fait, vous avez le gallon ici du pétrole qui coûte en moyenne 3,51 aux États-Unis, rapporté par Reuters et MSNBC. Alors, vous en avez parlé, le pétrole qui va continuer à augmenter. Ensuite, on se demande si vous allez avoir les gens qui vont encore conduire. Est-ce que le gallon de pétrole va coûter 7 $ aux États-Unis? Hein? À un moment donné, on va atteindre un point de rupture. Alors, avec les soulèvements sociaux qui continuent en Libye et puis tout ce qui se passe au Moyen-Orient, on peut s'attendre à ce que les prix du pétrole continuent d'augmenter. Puis, vous avez des experts qui ont averti que les Américains pourraient commencer à payer pas mal plus cher à la pompe. Alors, cela pourrait évidemment monter à des prix assez élevés. Donc, ça va être à suivre. Donc, vous avez aussi en plus d'autres pays qui sont sous la menace de se voir renversés par des soulèvements sociaux, hein, des révoltes. Donc, en Arabie Saoudite, au Koweït, en Oman, vous avez dans les Émirats arabes et vous avez au Qatar ou en Iran. Donc, effectivement, vous avez 6 pays qui produisent environ 21,2 millions de barils de pétrole par jour, qui finalement correspond à 27 % de la production de pétrole quotidienne mondiale. Donc, si vous avez ces révoltes politiques qui continuent et qui causent finalement des manques de production ou bien non tout simplement des pénuries de pétrole, eh bien, vous pouvez vous attendre à des prix encore plus élevés pour le pétrole. Hein? Donc, ça, vous avez cet effet de domino qui pourrait même aussi mettre en danger justement l'économie très fragile dans tous ces pays qui, du Moyen-Orient et puis les pays occidentaux. Alors, ça, c'est des nouvelles encore là qui sont à suivre de près. Ensuite, vous avez Geithner qui a confirmé que la Banque mondiale est l'outil de la domination américaine. Ça a été rapporté par le club Acacia. Vous avez le ministre du budget états-unien, Timothy Geithner, qui réclame au Congrès la validation du financement de la Banque mondiale de ses filiales. Vous savez, ces programmes internationaux devraient coûter 15,8 milliards de francs, ou soit 3,36 milliards de dollars américains aux contribuables américains en 2012. Budget en très forte augmentation sur un an, donc de plus 58 %. Pour convaincre les élus républicains, Geithner en a appelé à l'esprit de Ronald Reagan en rappelant que le soutien de l'ancien président des républiques à la Banque mondiale et des républicains à la Banque mondiale, et il a affirmé en Égypte, en Afghanistan, au Pakistan et dans bien d'autres pays du globe, nos investissements dans des institutions comme la Banque mondiale sont l'un des moyens les plus efficaces et les plus rentables dont nous disposons pour faire avancer les intérêts des États-Unis, nos intérêts économiques et nos intérêts en matière de sécurité. Il a aussi déclaré, je cite, l'Amérique a besoin de la Banque mondiale et de ses filiales pour alimenter les marchés du nouveau groupe de pays émergents de nos exportations pour promouvoir la paix dans les pays en guerre ou sur le point de s'effondrer pour faire avancer nos valeurs dans le monde. Hein? Donc, vous savez, la Banque mondiale n'est donc clairement pas un instrument pour aider les peuples et les civilisations en difficulté, mais créé pour alimenter l'économie états-unienne et assurer sa domination politique et culturelle. Vous avez aussi une autre vidéo ici où Geithner admet dans un témoignage que les payeurs de taxes sont exposés aux pertes financières de la crise économique. Alors lui, il admet tout simplement que c'est les payeurs de taxes qui sont responsables pour absorber les pertes de Fannie et Freddie durant justement l'effondrement financier. Et puis lui, il a déclaré, je cite encore, comme vous le savez, l'histoire des crises financières est largement une histoire des banques et puis de l'immobilier mis ensemble. Et que le gouvernement, ultimement, est aussi présent sur la scène et que juste derrière justement ces banques, avec justement son support implicite pour lequel ils ne sont pas chargés. Et puis cela, évidemment, que ça reste les payeurs de taxes exposés à payer, à absorber ces pertes d'argent. OK? Ensuite, on dit que les prix du pétrole augmentent. Et puis ici, vous avez différents articles qui montrent que justement, qu'il n'y a pas de manque de pétrole. Okay? Il n'y a pas de pénurie de pétrole du tout. Même l'OPEC a déclaré ça. Ça a été rapporté au Qatar ici par UPI. Il dit qu'il n'y a aucune justification pour justement ces hausses de prix du pétrole. Et puis que justement, les approvisionnements sont adéquats malgré les problèmes qui ont cours au Libye, au Qatar et puis aussi dans d'autres pays. Donc, ça aussi, c'est assez particulier. Et puis, ça prouve justement qu'il n'y a pas, il n'y a pas de raison que le pétrole soit plus dispendieux. Donc, le problème est que le dollar est en train de s'effondrer et que le gouvernement américain est en train de se chercher quelqu'un pour placer le blâme. Donc, on sait maintenant que c'est le dollar qui est le problème et non pas les Arabes, parce que les produits non pétroliers sont aussi en train de grimper en flèche en prix. Donc, vous avez un autre article ici qui parle de plus de confirmation qu'il n'y a aucun, justement, manque à gagner. Il n'y a aucun problème avec l'approvisionnement de pétrole. Ça a été révélé par différents personnages et puis aussi par le Forbes Bro. D'ailleurs, de quoi qui vient de prouver ce fait-là, c'est que vous avez la U.S. Geological Service qui a émis un rapport en avril 2008. Et écoutez bien, que seuls les scientifiques et puis les hommes du pétrole savaient étaient pour venir. Mais un rapport énorme. C'est un rapport qui a été revisé, qui n'avait pas été mis à jour depuis 1995, sur la quantité de pétrole qu'il y a dans la région nord des États-Unis, vous savez, dans la partie occidentale, la partie ouest, dans les deux tiers du nord Dakota, et aussi dans la partie ouest du Dakota du Sud, et aussi dans la partie extrême est du Montana. Alors, qu'est-ce que ça dit? Vous avez une région là qui contient du pétrole, ça fait longtemps qu'on le sait, qu'on a nommé Bakken, et puis qui se trouve à être la plus large, la plus importante réserve de pétrole contenue aux États-Unis. D'ailleurs, il y en a une aussi importante à Prudhoe Bay, en Alaska, qui a potentiellement le pouvoir d'éliminer toute dépendance américaine sur le pétrole étranger. Vous avez The Energy Information Administration qui a estimé ses réserves à plus de 503 milliards de barils de pétrole. Même si vous aviez seulement que 10 % de ce pétrole qui était récupérable, à 107 $ le baril. On parlerait ici d'une ressource d'une valeur d'environ de 3 à 5 trillions de dollars. On parle ici de réserves de pétrole tellement importantes que ça se trouve à être la plus grande réserve qu'on a découverte depuis les 56 dernières années, a rapporté le Pittsburgh Post Gazette. Donc, c'est dans la formation géologique qu'on appelle Williston Basin, qui est communément référée au Bakken, qui s'étend du nord du Montana à travers le Dakota du Nord et jusqu'au Canada. Pendant des années, vous avez des explorations de pétrole américaines qui ont été considérées dans la région. Alors, c'est 500 milliards de barils de pétrole qu'on vient de trouver. Okay? Donc, qu'est-ce que ça représente pour vous donner une idée? Écoutez, c'est 8 fois plus que tout ce que l'Arabie Saoudite possède. Ici, on parle de 18 fois ce que l'Irak possède, 21 fois ce que le Koweït possède, 22 fois ce que tout l'Iran possède en termes de pétrole, 500 fois ce que le Yémen possède directement sur le sol de l'ouest des États-Unis. Quand même assez incroyable, plus de 2 trillions de barils de pétrole qui sont là, qui attendent. Hein? Puis dire que les gens vous parlent de pénurie de pétrole à venir avec toute l'histoire du réchauffement climatique complètement débile. Du pétrole, on en a pendant des années et des années et des années et des années. En fait, si on calculait ça, on a assez de pétrole pour faire rouler l'économie américaine pour 2041 années d'affilée. 2000 ans. On a assez de pétrole pour 2000 ans. OK? Donc, voilà pour le pétrole. Mais là, on apprend ici de d'autres nouvelles de Arabian Business que le pétrole pourrait atteindre 200 $ le baril si justement les soulèvements sociaux s'étendraient jusqu'en Arabie Saoudite. Alors, évidemment qu'on va en profiter pour faire de l'argent. Donc là, vous avez un autre article ici, on parle de l'économie qui est frappée par la biflation. Alors, c'est quoi la biflation? Ben, c'est une inflation importante des prix de consommation, des biens de consommation, et puis de la déflation des prix des maisons, par exemple. Okay? Donc, on est frappé par une biflation, un phénomène qui a été introduit par le docteur F. Osborne Brown, où on apprend que l'inflation, la déflation apparaît en même temps dans l'économie. Donc, évidemment, c'est un outil effectif pour semer la confusion dans le public et puis donner hein, des munitions aux intellectuels, les faux intellectuels, pour essayer de faire tourner les chiffres dans la direction qu'ils veulent. Donc, un autre article très important ici à aller voir. Ça fait le budget des Américains qui a atteint un déficit record en février. On a un déficit budgétaire de 222,5 milliards de dollars seulement qu'en février. Imaginez, ça va bien aux États-Unis. Vous avez différents projets de loi qui ont été proposés en Utah pour adopter un système basé sur l'or. Alors, on est en train de se bouger enceinte de s'éloigner du dollar américain. Ensuite, vous avez la US Mint, celle qui frappe les pièces d'or et d'argent, qui avertit que les Silver Eagles de numéro pour l'année 2011 ne seront pas émis pendant quelques mois, en fait, jusqu'à l'automne. Alors, on n'aura pas aucune pièce d'argent de Silver Eagles à vendre et il n'y en avait pas aucune à vendre au mois de mars. Alors, vous voyez un peu là, hein, ce qui se passe avec les prix des métaux précieux. J'en avais parlé aussi dans les émissions précédentes. Vous avez 16 États aux États-Unis qui sont en train de complètement démanteler leurs fonds de pension, en train de détruire des fonds de pension d'employés publics qui sont évidemment ils sont en train de s'écrouler, ils sont en train de disparaître. Donc, encore plus de confirmation que Wall Street et non pas seulement les enseignants ont finalement fait s'effondrer le budget du Wisconsin. Alors, on va en parler un peu justement dans les nouvelles des révoltes. Okay? Ensuite, on a un article ici sur la naissance de la US Federal Reserve, la Fed aux États-Unis, et puis comment que justement l'usure a détruit les États-Unis. On a un autre article assez important ici qui parle de ce qui fait monter les prix de l'argent et de l'or. Okay? On parle des métaux précieux. Okay, parce que là, vous avez l'argent qui a atteint des sommets hein, ces derniers temps jusqu'à 36 et 55 l'once et qui pourrait augmenter de façon importante. Vous avez d'ailleurs la Chine qui, elle, au lieu d'exporter des milliers de tonnes d'argent, En fait, vous aviez la Chine qui avait exporté plus de 1 575 tonnes d'argent l'année passée. Alors, cette année, en 2010, on en a importé 5 000 tonnes. Okay? Donc, vous voyez là que la Chine là, elle devient un acheteur net d'argent. Ensuite, vous avez 8 raisons ici pourquoi l'argent devrait être l'investissement de la décennie. Parce que justement, la demande continue d'augmenter. Vous avez les stocks qui sont effectivement très bas, qui ne sont pas capables finalement de rencontrer les demandes de prendre possession de leur argent physique. Vous avez aussi la demande technologique pour l'argent qui augmente. Ensuite, vous avez l'argent qui est en train de faire diminuer son ratio d'or à argent. Alors, aussi, vous avez un ratio historique qui est en train de disparaître. Vous avez aussi une pénurie d'argent. Vous avez aussi beaucoup plus de papier d'argent qui est en circulation. Donc, ça fait ce qui fait augmenter le prix des métaux précieux. Et puis, vous avez d'autres raisons comme ça, allez voir. Vous avez le Forbes qui parle aussi des 400 personnes les plus riches ont augmenté leur richesse de 3 fois en 5 ans. Alors, 3 fois plus riches, ces gens-là. N'est-ce pas incroyable? Donc, de 95 à 2000, le Forbes 400 a triplé en richesse. Ensuite, vous avez tous les bonus ici qui sont donnés à ces gros banquiers-là. Vous avez la Royal Bank of Scotland, les autres qui ont reçu, le boss qui a reçu 7,7 millions de livres sterling comme bonus. C'est incroyable. Okay? Même si la banque a perdu 1 million de dollars. Selon eux, les autres font tout le temps d'argent, beau temps, mauvais temps. Vous avez une branche de la Bank of America à Washington qui a été fermée par plus de 600 activistes, alors qui ont protesté à l'extérieur pour justement tous ces vols d'argent incroyables. Ensuite, vous avez Londres qui a fait des arrestations dans le cas du système bancaire de l'Islande. Alors, vous avez des directeurs de différentes banques qui ont été arrêtés. Ensuite, vous avez 9 autres personnes ici qui ont été mises sous arrestation dans cette histoire du système bancaire qui a crashé en Islande en 2008. Alors, voyez, on envoie les banquiers en prison en Europe, là, de plus en plus. Ensuite, vous avez d'autres frères millionnaires qui ont été arrêtés dans cette même histoire. Ensuite, on a ici une nouvelle assez troublante qui a été publiée sur Money CNN, qui parle que vous avez certaines machines cartes de débit, alors ces fameuses cartes débit, vous avez JP Morgan Chase qui est en train de considérer la possibilité de mettre une limite à la quantité d'argent qu'on peut retirer ou qu'on peut transiger par les machines à débit. Alors, on parle de mettre une limite à 50 ou maximum 100 $. Ben, imaginez pourquoi? Ben, parce que il y a un jugement qui a été rendu par la Cour aux États-Unis qui finalement a rendu les frais que ces banques-là chargent à chaque utilisation comme étant trop élevés. Alors, on veut les limiter à 12 cents alors qu'ils étaient en moyenne à environ 40 cents. Et puis, vous savez, ces frais-là qu'on charge tout le temps finissent par créer des sommes de profit énorme, mais vous savez, on dit que la Chase, JP Morgan Chase, engrange plus d'un milliard de dollars par année avec ces frais-là. N'est-ce pas incroyable? Alors, la banque a statué, a déclaré que c'était beaucoup trop d'argent et puis que là, il va falloir faire en sorte que ces banques-là chargent un peu moins d'argent. Alors, là, c'est une grosse business, ces frais-là. Vous savez, selon les données de la Federal Reserve, seulement qu'en 2009, pour toutes les banques, c'est plus de 16 milliards de dollars qui ont été créés juste à cause de ces frais bancaires. Alors, qu'est-ce que les banquiers en viennent comme solution? Ben, on va faire en sorte que les gens vont être capables de retirer moins d'argent à chaque fois, donc vont être obligés de faire plus de transactions. Et puis, à ce moment-là, c'est de récupérer leur argent qu'ils perdent, les pauvres petits banquiers, les pauvres banquiers. C'est pas incroyable. Donc, voilà. Donc, c'est plusieurs nouvelles comme ça. Les Américains qui ont acheté des quantités de blé très impressionnantes au Canada. Alors, vous avez les États-Unis qui ont acheté entre 100 000 et 200 000 tonnes de blé canadien. On dit que la forte demande pour les producteurs d'éthanol a poussé à la hausse les prix du blé. En fait, on a fait augmenter les prix, et puis on se retrouve aux États-Unis avec des réserves de maïs ici qui sont des records, qui sont des records, si vous voulez, là, à la baisse. En fait, on n'a jamais eu une si faible réserve de maïs depuis 15 ans. Donc, l'éthanol qui est la fausse solution encore du réchauffement climatique, hein? Et puis, ainsi de suite. Alors, vous avez plusieurs nouvelles à aller terminer comme ça, aller voir l'administration Obama qui essaye de fermer la gueule justement du dossier des fraudes de saisie immobilière. Alors, lui, il va proposer 20 milliards de dollars pour fermer tout le dossier de ça et puis faire en sorte que les banques puissent continuer à saisir des maisons aux États-Unis. Donc, bravo Obama qui continue de protéger les banques et puis de cracher dans la face des vrais propriétaires de maisons qui travaillent toute leur vie pour payer leur maison. Hein, donc, ça se poursuit. Vous avez d'autres pertes dans la valeur des maisons aux États-Unis. Ensuite, ainsi de suite, quoi, là, vous en avez pas mal. Je n'aurai pas eu le temps de tout terminer ça, là. Donc, allez voir ça pour le reste, là, une sorte de preuve, justement, là, que les banquiers ont fraudé. Les trustees savaient que de Madoff, là, disait que vous avez des banquiers qui savaient que Madoff est en train de trafiquer les marchés. Les banquiers ont profité de ça, sont fermés la gueule. Vous avez des gens comme Lloyd Blankfein qui, eux autres, ont engrangé des profits incroyables, 425 millions de dollars en stock exchange de Goldman, puis des bonus cash depuis les 10 dernières années. Hein, donc, c'est incroyable, Goldman Sachs, là, qui reçoit 15,3 milliards de dollars en paye, en bonus cette année. Même affaire pour Citigroup, eux autres qui mettent de côté 24,4 milliards de dollars comme bonus. Alors, ces gens-là font de l'argent comme l'eau. Hein, il n'y a aucun problème pendant que le reste de la population meurt de faim. On dit ici de la Banque d'Angleterre, le directeur Mervyn King, que la qualité de vie, le standard de vie plonge à un taux le plus rapide depuis les années 20. Alors, les gens qui ont de moins en moins d'argent et puis qui finalement ont de la misère à se nourrir, quoi. Ensuite, vous avez l'assouplissement quantitatif qui cause l'élèvement des prix de la nourriture. Alors, on imprime de l'argent comme de l'eau, donc évidemment que les prix de la nourriture aussi augmentent. Et ainsi de suite, quoi. Donc, c'est pas mal ça, là, dans les nouvelles. Vous avez la Chine qui achète beaucoup moins de dettes américaines, des banques qui font faillite. Alors, vous êtes rendu avec une quantité de banques assez phénoménale qui ont fait faillite aux États-Unis, qui ont été complètement saisies. Donc, c'est ça qui, finalement, là, la reprise économique, l'inflation qui a augmenté au mois de décembre, selon les données de la Banque d'Angleterre, un sommet depuis 8 mois. Et vous avez des écoles, même aux États-Unis, qui sont même plus capables de payer leurs factures d'électricité. Hein? Donc, vous avez ici 47% de la classe travaillante aux États-Unis qui n'ont pas d'emploi à temps plein. Donc, ça vous dit que vraiment, on a un problème phénoménal. 937 institutions bancaires ici qui ont des problèmes. Donc, vous avez en Illinois, on a approuvé une augmentation des taxes de 66%, hein, donc les impôts personnels. Donc, voilà. Donc, ça fait mal au portefeuille. Et puis, vous avez d'autres projets d'augmenter justement les taxes sur les propriétés. Hein, donc, on est en train de trouver la seule solution pour arranger l'économie américaine, c'est finalement de voler le public. Et puis, ça va ne jamais arrêter. Il n'y a aucune raison d'arrêter. Tant que les gens ne vont pas donner une raison d'arrêter. Vous avez l'Islande qui l'a fait, commencer à emprisonner des gens. La Tunisie qui l'a fait, la Grèce qui est sur le point de le faire. L'Irlande, la même affaire. Et puis, le reste du monde doit le faire. Alors, vous savez, on doit choisir. Maintenant, c'est le temps de choisir entre la liberté ou l'esclavage. C'est la liberté ou la tyrannie qui vraiment nous guette. Alors, on doit choisir entre les deux. Le Congrès américain qui a approuvé le plus large budget militaire de 725 millions de dollars. Alors, voilà où l'argent passe. Et puis, voilà quoi. Donc, nous autres, on va se quitter là-dessus. C'est assez pour cette semaine. Hein? On en a en masse. Et puis, ben écoutez, là, on n'a pas eu le temps de couvrir le dossier des révolutions. On va y revenir la semaine prochaine avec le dossier de la Libye. Il y a beaucoup de propagande dans ce dossier-là. Donc, on va y revenir plus en détail la semaine prochaine. On a passé plus de temps cette semaine à passer du truc, à parler du truc du Japon. Donc, il fallait bien le faire. Donc, voilà quoi. Donc, on va revenir plus en détail sur le dossier là, des révolutions la semaine prochaine. Désolé pour ça. Donc, voilà, chers auditeurs, on se quitte là-dessus. Je vous salue bien bas. Prenez soin de vous autres. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. Ciao, c'était François Marginal pour l'autre monde. Secular joy. He's a peculiar boy, but now the luster's gone. A peculiar boy is no more. Who will save him from being a man? Not me. He got precious youth. Taken forsooth. So now the shine grows dim, change tradition for whim. Who will save him from being a man? Not me. Got closed blood red.